السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل وبياكم. سنتوجو avec صحيح الجامع الشيخ الألباني عليه رحمة الله. Aujourd'hui nous sommes lundi lundi 1er Safar 1428 de l'Hégire, c'est-à-dire lundi 19 février 2007 du calendrier chrétien. Nous allons réviser un peu, c'est-à-dire citer juste le dernier hadith ou bien les deux derniers, et commencer inshallah ta'ala par le nouveau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, je crois que c'est là qu'on s'est arrêté, il a dit inna al-mayyita لا يعذب ببكاء أهله عليه. نعم. حديث 1970. حديث 70. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que يعني le mort, celui qui est dans la tombe, يعني il a un عذاب. يعني si on prend littéralement, c'est le châtiment. نعم. De qui, pourquoi? Parce que sa famille est en train de pleurer sur lui. طيب. Le sens du hadith, c'est que, en islam, il n'est pas interdit de pleurer sur le mort. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a pleuré sur Ibrahim, son fils, qui est mort à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 mois. Naam. Il a pleuré, sallallahu alayhi wa sallam, sur son fils Ibrahim. Mais, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, inna al-qalba la yahzan, wa inna al-ayna la tadma'. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ. Il a dit وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا إِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, certes le cœur est chagriné, triste, certes mes yeux, يعني larmois, il y a des larmes qui coulent de mes yeux, et je suis très touché par la séparation Ibrahim, mais, et voilà l'essentiel, la naqulu illa ma yurdi rabbana, mais je ne dis ou bien on ne dit que ce qui agrée Allah et ce qui ravit Allah. Je ne dis pas les choses que Allah Azza wa Jal n'aime pas. Pourquoi? Parce que dans les malheurs, beaucoup de gens ne se retiennent pas, ils disent n'importe quoi, et des fois disent des choses contraires à la aqida. Et des fois, ils peuvent même يعني, sortir de l'islam si يعني, vraiment ils savent ce qu'ils disent et ils ne sont pas excusés par la grande colère. Naam. Comme ceux qui disent par exemple à Allah, il y en a même ceux qui lèvent la tête vers le ciel et parlent à Allah subhanahu wa ta'ala et lui disent à Allah, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi tu me donnes des problèmes? لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله العافية. نعم. Pourquoi mon voisin qui ne fait pas la prière, qui ceci cela, c'est un pervers, il n'a jamais de problème. Pourquoi moi seulement? لا حول ولا قوة إلا بالله. Quelqu'un qui dit cela, c'est une chose qui vient de dire est vraiment vraiment grave. نعم. C'est vraiment vraiment grave de dire comme ça, d'être impoli avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement c'est de l'impolitesse, mais encore, c'est quoi? C'est être contre quoi est-ce contre le qada ou le qadr, subhanallah. Non. Je disais que donc en islam il est permis de pleurer, mais dans les normes, pleurer des pleurs, comme on pleure normalement. On ne fait pas comme font les chiites qui quoi, qui se griffent le visage, et se font couler le sang, et se tirent les cheveux, et commencent à dire ya waïla ta ya waïla. Laysa minna man yani latam al khudud wa shiqqa al juyub wa da'a bi da'wa al jahiliya, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit ne sont pas de nous ceux qui se frappent les joues, se déchirent les vêtements et disent des choses de la jahiliya, comme ceux qui commencent à dire ya waïla ya waïla et comme ça, des choses de la jahiliya. Maintenant le hadith a dit que si quelqu'un meurt et il savait que sa famille, c'est le genre qui fait ce que je viens de dire, qui fait les péchés que je viens de dire, et il ne les a pas avertis, ça veut dire que il va avoir des problèmes dans la tombe. Non, pourquoi? Parce que il était responsable et il ne les a pas avertis. Il était responsable et il ne les a pas avertis. C'est pourquoi que nous sommes obligés, si on sait que, par exemple, nos parents sont le genre qui font cette chose, donc on est obligé de quoi? On est obligé de les avertir avant que ça ne soit trop tard, avant qu'on meure, et ensuite, on aura des problèmes dans quoi? Dans la tombe. Pourquoi? Parce que tu savais que, par exemple, ta mère, c'était le genre qui fait ces choses, ou bien tes sœurs, et tu les as laissées sans les avertir. Ou bien, c'est aussi pour celui qui, lui-même, exhorte sa famille à ce qu'il fasse comme ça de lui. Et par exemple, si je meurs, faites comme ça et criez, etc. Ça, c'est plus grave, bien sûr. Ça, c'est plus grave. Bi-idhnillahi azza wa jalla. On va commencer, inshallah ta'ala, les hadiths d'aujourd'hui. Mais celui qui a averti ses parents et lui ont désobéi et ont fait les choses comme ça sans qu'il veuille lui, celui-là, bi-idhnillahi ta'ala, il n'a aucun problème dans sa tombe. Parce qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Et maintenant il est mort, il ne peut pas commander les vivants. Il ne peut pas les commander. Non, maintenant, il est mort. Je disais, on va commencer sur le premier hadith d'aujourd'hui. Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith 1997. Hadith numéro 1997. Il a dit, le hadith authentique, إن اليهود لا يحسدونكم على السلام والتأمين. Il a dit les juifs sont beaucoup beaucoup jaloux de vous en deux choses. Vous les croyants, les juifs sont beaucoup jaloux de vous en deux choses. السلام, نعم, السلام, on dit السلام عليكم. هذه يعني ils n'aiment pas entendre cette phrase. Allah bihamdi. Un juif qui lui dit salam alaykoum, il ne peut pas accepter cette chose. C'est vraiment difficile. Et il est très jaloux de cette phrase. Et aussi, quoi? Et aussi, ta'min. Ta'min. Naam. Quand on dit amin. Surtout que s'ils l'entendent, par exemple, dans la salat. Hein, quand on dit amin, s'ils entendent ça, ils meurent de jalousie. Naam. Ils meurent de jalousie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1998, il a dit, Inna al-Yahud wa al-Nasara la yasbaghun, fa khalifuhum. Le prophète a dit, Inna al-Yahud wa al-Nasara la yasbaghun, fa khalifuhum. Il a dit, les juifs et les chrétiens ne se teintent pas, par exemple, leurs cheveux et leurs barbes. Alors, khalifuhum. Différez d'eux, ne font pas comme eux, ne faites pas, pardon, comme eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup différer des juifs et des chrétiens. Il n'aime pas le ressembler, ni dans يعني لابارونس ني دون اوتر شوز. نعم il faut qu'il y ait une différence entre toi et le chrétien et le juif pour que ça soit elle est très visible que يعني, je ne suis ni un juif ni un chrétien, je suis un croyant, je suis un musulman et je diffère d'eux de beaucoup beaucoup de choses, bien sûr, de beaucoup beaucoup. L'une de ces choses ici, c'est que le croyant et le prophète alayhi salam lui a recommandé de ne pas laisser sa barbe blanche ni ses cheveux blancs. Non. Comme une fois, on a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam le père de Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, Abu Quhafa. Il était ses cheveux blancs comme de la neige. Il leur a demandé qu'on lui change, qu'on lui teigne ses cheveux. Donc, quelqu'un qui a de la barbe blanche, par exemple, il ne doit pas la laisser blanche. Il doit la teindre. Non, ou bien la teinter. Et aussi les cheveux. On doit les teindre, on ne doit pas les laisser comme ça blanc. Pourquoi? C'est pour ça que c'est drôle qu'on voyait par exemple un alim, masha'Allah, et avec la barbe blanche comme ça. Non. Un alim, masha'Allah, mais normalement il doit faire la sunnah ici. Non. La sunnah, c'est de ne pas ressembler aux kuffars, de ne pas ressembler aux juifs et aux chrétiens. Donc il faut teindre la barbe et teindre les cheveux. Seulement il est interdit de teindre en noir. En noir. En général, pour la femme et l'homme, il est interdit à quelqu'un qu'il teinte ses cheveux ou sa barbe en noir. Pourquoi? Parce que l'Azzawajal, quand il a créé l'être humain, c'est une sunna d'Allah, il le fait passer par des étapes. Il est faible, ensuite adolescent, ensuite vieux. Quand il arrive à la vieillesse, il devient faible et il a les cheveux blancs. Donc, quiconque va teindre ses cheveux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas accepté la troisième étape de que Allah Azza wa Jalla voulu, la troisième ou la quatrième. Quand on devient, parce qu'on a les cheveux blancs et on est assez vieux. Donc certains vont teindre les cheveux. Si quelqu'un veut teindre à cet âge ou là avant, il teint, c'est possible. Mais ce n'est pas possible avec le noir. On peut teindre avec le henné, mais ce n'est pas obligé avec le henné. Certains croient que c'est obligé. Ce n'est pas obligé avec le henné. L'essentiel, c'est de changer le blanc. Quand quelqu'un voit ses cheveux et voit ta barbe, il ne voit pas les cheveux blancs. Maintenant, il peut aller, par exemple, chez le pharmacien, il achète la teinture. Il achète, et il demande quelque chose, par exemple, de marron. Il demande quelque chose de marron. Ce n'est pas obligé que ce soit rouge comme le henné. S'il veut le henné, il le met. S'il ne veut pas, il peut mettre autre chose. L'essentiel, c'est quoi? C'est trier. C'est de ne pas avoir les cheveux blancs. Non. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, Hassan, c'est le 2008, numéro 2008. Inna unas min ummati ya'tuna ba'di, yawuddu ahaduhum law ishtara ru'yati bi ahlihi wa malihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, des gens viendront après moi, c'est-à-dire lorsque je mourrai, des gens viendront, ces gens-là voudraient, s'ils pouvaient, pour me voir, donner tous leurs biens et toute leur famille. Non, tellement, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui vont venir après moi lorsque je vais mourir, des gens qui m'aimeront au point où, s'ils pouvaient vendre tous leurs biens et donner, toute leur famille seulement, pourquoi? Pour me voir seulement, si c'était possible, ils le feraient. Naam. Et qui Yanni prétend qu'il est vraiment croyant, et, par exemple, c'est un exemple, c'est tout. On lui dit, par exemple, tu peux voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à condition, par exemple, que tu donnes tes biens ou là. Qui est vraiment croyant qui n'accepte pas? S'il n'accepte pas, c'est que son iman est vraiment, vraiment faible. Non, s'il dit non, je ne vends pas la voiture, je ne vends pas ma maison, je préfère les biens plutôt que de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était possible, je dis. S'il dit comme ça, c'est que vraiment il est faible. Sa foi est vraiment faible. Qui a été la cause pour que tu sois croyant? Qui a été la cause pour t'avoir révélé le Coran? Qui a souffert à cause de toi pour que tu connaisses Allah subhanahu wa ta'ala, tu connaisses sa jurisprudence et sa législation, et que tu sois, alhamdoulilah, comme ça, adahoudan, tu sois adahoudan ou un nour, nour min Allah subhanahu wa ta'ala. Qui, si ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pour ça, comme j'ai dit quoi, le prophète alayhi wa sallam a dit, je suis pour vous comme un père. Naam, un abdi matabati, abin lakum. Je suis comme un père. Il a dit, personne ne sera vraiment croyant s'il n'aime pas plus que ses parents, ses enfants et tout le monde. Naam. Si tu aimes quelqu'un plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta foi est faible. Je ne dis pas que tu es kafir, mais ta foi est faible. Naam. Tu n'as pas, ta foi n'a pas atteint la perfection. Car Omar Ibn Khattab a dit, quoi que, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je te préfère à tout le monde sauf à moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit, tu es kafir. Il lui a dit, il te manque encore, mazal. Mazal, il te manque encore pour atteindre la perfection dans la foi. Ensuite, il lui a dit, ya Rasulullah, maintenant, je t'aime, yani, plus que tout le monde. Il lui a dit, donc maintenant, tu as atteint, inshallah, le summum de la foi. Je dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été la cause de notre guidée. Ibnullah Azza wa Jalla. Lui qui nous a appris comment yani, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, comment s'éloigner de ses péchés, comment être sur la lumière à la nourine de Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme j'ai dit une fois, nos parents, masha'Allah alayhim, hafidhahumullah ta'ala, le maximum que nos parents nous ont donné, c'est de nous avoir éduqués, nous avoir mariés, nous avoir acheté une maison et une voiture. Ça, c'est le maximum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va te montrer le chemin qui va yani, te servir pour arriver à Allah, subhanahu wa ta'ala, ravi de toi. Et c'est pour ça, plus tu connais la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu as la guidée plus que les autres. Comme a dit Allah ta'ala, وَالَّذِينَ اَهْتَدَوْا زِدْنَاهُمْ هُدَى وَقَالْ وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala dit, si vous obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani je vous ajoute l'huda. وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. Naam, plus quelqu'un connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam et connaît sa sunna, plus inshallah ta'ala il a plus de guidée et plus de lumière que l'autre qui ne connaît pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2015, hadith numéro 2015, qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Naam. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ce concerne cette tout, yani, plus j'ai chaud, plus elle commence à être plus. المهم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, إن أول زمرة يدخلون الجنة, آمين, إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. Le prophète صلى الله عليه وسلم parle de le premier groupe qui va rentrer au paradis. Bien sûr, ce sont, plus on est pur, plus on est parmi les premiers pour rentrer au paradis. Et plus dans cette vie, plus on était yani, plus ou moins yani, loin, et plus on sera loin, yani, on sera parmi les derniers pour rentrer au paradis. Celui qui obéit vite à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait des sunnahs, celui qui aime le prophète Aslam, celui-là, il sera parmi les premiers. Et celui qui allait tout juste faisait la prière, tout juste aller au Hajj, comme ça, celui-là il rentrera inchallah au paradis, mais il sera parmi les derniers à rentrer, pas parmi les premiers. Donc, parmi les premiers qui vont rentrer au paradis, le prophète alayhi salatu salam a dit, ils rentreront à la surat al-qamar laylat al-badr. Ils rentreront dans l'image de la lune quand elle est yani, complète. Le 13, 14, 15, la lune est bien ronde ou arrondie et elle luit beaucoup. Elle a beaucoup de lumière. Le 13, 14, 15 de chaque mois arabe où il est conseillé de faire le jeûne. Comment qu'elle devient? La lune devient très luisante. Au point où si quelqu'un sort, naam, à pleine lune, naam, quand elle est pleine lune, naam, au point où si quelqu'un sort dans la rue, Il n'a pas besoin de lampe ou là, de torche ou là, il peut voir tellement elle est lumineuse. Donc ceux qui vont rentrer, le premier groupe, vont rentrer avec une lumière comme la lumière de la pleine lune, mashallah. La lumière qui va sortir de, mashallah, la lumière d'où elle est venue. La lumière du tawhid. Non, la lumière du tawhid. La lumière de, ceux qui suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, ils auront une lumière qui les fera différencier des autres bismillah. Thumma alladhina yalunahum. Ensuite, le deuxième groupe qui vont les suivre. Ala ashaddi kawkabin durriyin fi as-sama'i ida'a. Comme le plus lumineux, des astres. Il n'y a pas plus que la lune. C'est le premier groupe. Deuxième groupe, c'est comme l'astre le plus lumineux, l'astre qui a le plus de lumière après la lune. Ça, c'est le deuxième groupe. Maintenant, il parle, comment sont décrits ces gens? Le premier groupe et le deuxième groupe. Comment sont-ils décrits? Il parle, il a dit, la yabouloun. Ils n'urinent pas. Ils n'urinent pas, ça. Wa la yatarawatoun. Ils ne défèquent pas. Naam. Wa la yatfiloun. Ils ne crachent pas. Ils ne crachent pas. Wa la yatamakhatoun. La yatamakhatoun, c'est-à-dire que, comme quelqu'un, par exemple, prend un mouchoir, et fait sortir ce qu'il a dans son nez. Comme on dit, il se mouche. Naam. Ils ne se mouchent pas, ceux-là. Ils ne se mouchent pas. Ils n'ont rien dans leur nez, tellement c'est propre. Tellement c'est propre. Amshatuhum al-dahab. Leurs peignes seront en or. Naam. Quand il veut, peigner ses cheveux, c'est en or. Le peigne est en or. Naam. Amshatuhum. Wa rashahuhum al-misk. Misk. Leur sueur. Quand ils ont de la sueur qui sort de leur corps, c'est le musc. Vous connaissez le musc, mashallah, et l'odeur qu'il a. Non. C'est pas de la sueur qui a une odeur mauvaise. Mais de leur corps sort quoi? Sort du musc. Un parfum, qui n'a pas d'égal. Un parfum qui n'a pas d'égal, qui sera au paradis. Wa majamiruhum al-alouwa. Majamiruhum al-alouwa. Ya. Bon, peut-être que ça n'existe pas chez vous en France, et il y a beaucoup ici au Koweït. Ici au Koweït, il y a beaucoup. Il n'y a pas une maison où vous rentrez, on ne vous ramène pas. El Mijmar. El Mijmar, c'est quoi? D'ailleurs, c'est une habitude des Arabes. Non. Ils t'emmènent, bon, c'est difficile à dire, mais j'essaie de vous faire comprendre, c'est tout. Quelque chose comme ça, où ils vont mettre quelque chose qui, où il y a de la braise, la braise du feu. Il y a de la braise, ils ont un petit récipient comme ça, et on te le donne, et on met à l'intérieur, comme ça, des sortes de graines, ces sortes de graines commencent à s'allumer, et ça commence à donner une très très beau, très très belle odeur. Je crois que ça s'appelle l'encens, comme le bahor, naam. Ça, chez les Arabes, par exemple ici au Koweït, c'est très connu. Dès que tu rentres chez quelqu'un, il commence par cela. Il te ramène là où il y a l'odeur comme ça qui sort, machallah, et tu mets cette chose sous ta barbe. Et la fumée commence à monter et rentre dans ta barbe, tes cheveux, etc. Et ça va rester comme ça toute la journée. Il a dit, ceux-là aussi, ceux du paradis, ils ont cette chose, et la chose qui va brûler à l'intérieur, ça s'appelle Aloua. Ça s'appelle l'oud el-hindi. L'oud el-hindi, ça s'appelle en arabe. Quelque chose qui a une très très bonne odeur. Naam. Il a dit, wa azwajuhum al-hur al-ayn. Leurs femmes, ces gens-là, leurs femmes, c'est hur al-ayn, c'est les houri, les ouri, les femmes du paradis qui sont très connues. Ils appellent des, quand on dit hur al-ayn, hur, c'est tellement l'œil est grand et noir, au point que des fois on voit pas le blanc qu'il y a à l'intérieur, tellement les yeux sont grands et sont noirs. Naam. Tellement ils sont noirs, avec les cils très noirs. Naam. Sourcils, c'est très noir. certains peut-être vont s'étonner du subhanallah. La femme du paradis qui est très belle, et n'empêche qu'elle n'a ni les yeux bleus ni les yeux verts. Non, la vraie belle, elle a les yeux noirs. Elle est plus belle que celle qui a les yeux bleus, les yeux verts. Non, c'est pour ça que Allah Ta'ala a choisi celle du paradis avec les yeux noirs. Non. Dans un autre hadith du Bukhari, il a dit, il a dit pour chacun d'eux, deux femmes du paradis. Pour chacun d'eux, deux femmes du paradis. Les ulama ont dit, deux femmes, c'est au moins. C'est le minimum. Sinon, ils ont plus. Non, mais le minimum, c'est deux femmes. Akhlaquhum ala khalqi rajulin wahid. Et aussi ala khuluqi rajulin wahid. Non. C'est pour ça que, ils auront même, disons, même caractère. Même caractère. C'est pour ça que Muslim a dit dans sa version, qulubuhum qalbu rajulin wahid. Leur cœur, comme le cœur d'une seule personne. Naam. Quand ils ont tous le même cœur, c'est comme si ils pensaient de la même façon. Donc ils ne peuvent jamais se contredire ou se chamailler ou jamais. Pourquoi? Parce qu'ils pensent tous la même chose. Ils sont tous unis. C'est comme si un seul cœur les faisait vivre. Et si on prend où c'est écrit khalq avec A, si on prend où c'est écrit khalq avec A, naam. Si on prend avec A khalq, ça veut dire qu'ils auront le même corps. Naam, le même corps. Donc, il y a deux hadiths, un musulman qui dit le même cœur. Et Bukhari a dit Ahmed a dit le même corps, c'est-à-dire le hadith a dit ala surati abihim Adam, ils seront tous de la même image comme l'image de Adam alayhi salam. Ils auront tous le même corps que celui de Adam alayhi salam, c'est-à-dire il va expliquer, il a dit sittuna dhira'an fis sama'i, 30 mètres de hauteur. Naam. Celui qui va rentrer au paradis, il aura 30 mètres. Naam. De quoi? De hauteur. C'est pas comme chez nous, 1m50, 1m60. Si quelqu'un a 2 mètres, on s'étonne. On dit 2 mètres, c'est trop. Imaginez, au paradis, 30 mètres. Naam. Les gens auront 30 mètres de hauteur. Pourquoi? Parce qu'ils seront tellement grands et tellement forts que ils auront besoin de manger, et que les arbres seront tellement hauts aussi, tellement hauts, quoique les branches descendent, des branches descendent, bi'idhni ta'ala, jusqu'à la bouche. Donc, comme ça dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 30 mètres de hauteur. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2020, il a dit, inna awala ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل الصلاة. La première chose que Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose de la personne, on va lui demander le jour du jugement dernier, on va lui parler de quoi? On va lui parler de la salat. C'est la première chose que Allah ta'ala demandera en ce qui concerne les adorations. Donc, celui qui n'a pas fait la salat, il n'a pas quoi? Il n'a pas beaucoup de chance ce jour-là. Car Allah Ta'ala, la première des choses, il lui dira, fais-moi voir ta salat. Alors que Allah Ta'ala l'a vu, bien sûr. C'est juste pour que l'autre qu'il sache. Il dit, fais-moi voir ta salat. Voyez. Il n'est pas, ça te sert à rien ce jour-là. Si Allah Ta'ala te dit, laisse-moi voir la salat, tu lui dis, Allah, je faisais mon monde, je faisais ceci. Comme beaucoup de gens maintenant, tu lui dis, pourquoi tu ne fais pas la salat? Tu dis, alhamdoulilah, je ne tue personne, je ne vole pas, je ne suis pas un menteur, j'aime tout le monde, mon cœur est masha'Allah. Non, tout ça me suffit. Beaucoup de gens disent comme ça. Pourquoi tu fais pas la salat? Pourquoi tu fais pas kada? Pourquoi tu obéis pas à Allah? Alhamdoulilah, je ne vole pas, je ne tue pas, alhamdoulilah, mon cœur est sain, etc. Non, ce jour-là, ça ne te suffit pas. Pardon. Ça ne sert à rien de dire cela à Allah. Maintenant, tu le dis à nous. Demain, Allah Ta'ala te demandera, donne-moi la salat. Je t'ai pas dit comment tu étais. Si tu étais comme tu disais, tu avais un cœur bien et sain, tu aurais fait la salat. Non. Voilà. Si ton cœur était vraiment bien et sain, tu aurais fait la salat. Non. Donc ce jour-là, celui qui n'a pas la salat, il ne peut pas parler. فإن صالحت فقد أفلح وأنجح. Le prophète Aïssan a dit, si la salat, yani, que Allah Ta'ala verra, la trouvera, yani, bien, alhamdulillah, il ne manquait pas à cette salat, il a dit, il a réussi, il a triomphé. Cette personne a réussi et a triomphé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis l'homme. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse de cela. وإن فسدت فقد خاب وخسر. Naam. Et si yani, la salat était défectueuse ou là, il n'y en avait pas, il a perdu. Ah, une grande perte celui-là. Il a perdu une grande perte. S'il faisait la salat, il allait n'importe comment, ou là, il ne faisait pas la salat à l'heure, il faisait la salat sans humilité, sans khushu, sans rien. Naam, celui-là, il a perdu ce jour-là. Mais s'il manque, yani, la salat existe. Mais il manque des choses. Il manque certaines choses. Des fois, on est distrait. Des fois, on est inattentif dans la salat. Des fois, c'est un peu vite. Des fois, on a oublié quelque chose. Il a dit, s'il manque quelque chose, Allah Ta'ala dira, Onboro, Hadli Abdi Min Tatawwa. Il va dire aux anges, regardez, est-ce que mon serviteur a des prières surérogatoires? Naam. Hadli Abdi Min Tatawwa, est-ce que mon serviteur à des prières surérogatoires, fa yukammalu biha man taqasa min farida. Si cette personne a des prières surérogatoires, Allah Ta'ala va compenser la salat obligatoire avec ses prières surérogatoires. Donc, regardez l'avantage de celui qui fait les prières surérogatoires. Celui qui fait la nafila, il a l'avantage que demain, si sa salat, il manque quelque chose dans la salat, il aura la surérogatoire avec laquelle il va coudre son vêtement qui est déchiré. Naam. Ce jour-là, si sa salat, yani, il manquait des choses à sa salat, et on demande la surérogatoire, prière nafila, et tu ne l'as pas, ça va être quoi? Ça va être un problème. Naam. Tu as un grand trou dans le vêtement, et tu n'as pas l'aiguille et le fil pour coudre. Non, tu n'as ni l'aiguille ni le fil. L'aiguille et le fil, c'est la salat surérogatoire nafila. Si tu as nafila, ce jour-là, tu diras Alhamdulillah, je faisais nafila. Alhamdulillah, j'ai triomphé sur le shaitan et j'ai fait nafila. Le shaitan, il te dit, ça suffit. Tu fais surérogatoire, tu fais l'obligatoire, ça te suffit. Pourquoi tu vas te fatiguer encore? Ça te suffit. Suffis-toi à cela. Il y a un hadith qui dit que quelqu'un a demandé au prophète, alayhi sallam, il lui a dit, je fais seulement 5 prières. Il lui a dit, Inch'Allah, qad sadaq. Pardon, il a dit, qad aflaha in sadaq. Il a dit, tu as réussi si tu es sincère. Donc voilà, j'ai un hadith qui dit, 5 prières, ça suffit. Comme ça, va te dire le shaitan, va te dire, ça suffit. Ah, ce hadith te suffit. Mais ce jour-là, pense que, si tu as la nafila, tu vas remercier Allah Azza wa Jalla de t'avoir aidé. Si tu n'as pas la nafila, tu ne dois te plaindre que toi. Ensuite, il a dit la même chose pour les autres adorations. Ce qui va te dire, donne-moi, je vois le Siyam. S'il manquait des choses, il dit aux anges, faites-moi venir le Siyam surérogatoire que faisait mon serviteur. Si tu étais du genre qui jeûnait le lundi, ou bien le jeudi, ou bien le 13, 14, 15, chaque mois arabe, ou bien 3 jours dans le mois, comme Aïcha radiallahu ta'ala a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 3 jours de nafila de chaque mois, 3 jours de jeûne chaque mois. Et elle a dit, des fois c'était au début, des fois au milieu, des fois à la fin. Si on fait le 13, 14, 15, c'est les meilleurs jours arabes, calendrier arabe. Maintenant, si tu ne fais pas 13, 14, 15, tu peux faire les 3 qui sont dans la première semaine, ou bien 3 jours au milieu, ou bien 3 jours à la fin, comme a dit Aïcha dans Sahih Muslim. Elle a dit, le prophète Aïcha faisait aussi comme ça. Donc, maintenant, ensuite, il va passer à la zakat. Tu faisais la zakat, beaucoup de femmes ont de l'or, ont des chaînes d'or, elles ne font pas la zakat. Chaque femme qui a 85 grammes d'or doit faire la zakat. Chaque année, jusqu'à ce que l'or qu'elle a soit moins que 85 grammes. Lorsqu'un jour elle va peser son or, elle va trouver 80 grammes par exemple, elle ne va plus faire la zakat. Mais sinon, chaque année, elle doit faire la zakat de son or. Beaucoup de gens font la salat et vont au hajj et font le siyam. Quand la zakat arrive, ils commencent à trembler, ils ont peur de faire sortir l'argent. Ils deviennent les plus avares du monde. Alors que, mashallah, ils sont au hajj, ils sont salat, mashallah. Dès que c'est problème d'argent, ils commencent à avoir peur. Subhanallah, c'est difficile de faire sortir l'argent. Non. Pourtant, c'est le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Haqqo, haqqala. Tu le fais sortir malgré toi. Tu dois le faire sortir. Si Allah ta'ala trouve qu'il manque de la zakat, il va dire aux anges, faites-moi ramener les aumônes qu'il faisait. Les aumônes qu'il faisait pour lui compenser ce qui manque aujourd'hui. Et comme ça dans toutes les adorations. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2021, il a dit Inna awwala ma yuhkamu bayna al-ibad fi al-dima. Subhanallah al-azim. La première des choses qu'Allah Azza wa Jal, quand il va juger entre les gens, la première des choses sur laquelle il va demander et juger, c'est quoi? C'est le sang. Le sang qui a coulé. Chaque personne qui, dans ce bas monde, a fait couler du sang, ce jour-là, elle verra. Est-ce que le sang a coulé? Parce que Allah Ta'ala a demandé de le faire couler, ou là il a coulé, yani, parce qu'on a été injuste, et on a fait du tort aux gens, et on a tué des gens, etc. Ce jour-là, si c'est Fisabillah, c'est Allah qui a dit cela. C'est Fisabillah. Sinon, c'est quoi? Ce sera très grave ce jour-là, car vous savez que, comme a dit le prophète, comme a dit Allah Azza wa Jal, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. À peu près dans le Coran, et quiconque tue un croyant intentionnellement, hein, sa rétribution sera alors l'enfer, pour y demeurer éternellement. Et Allah sera en colère contre lui et il le maudira et il lui a préparé un atroce châtiment. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا وَفَسَدًا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Il a dit quiconque tue une personne qui est interdite de tuer, c'est comme s'il a tué tous les gens. Pourquoi? Les ulama ont dit, puisque tu peux tuer quelqu'un qu'il est interdit de tuer, puisque tu peux tuer quelqu'un, face, tu peux tuer donc 1000, 100 000 et tout le monde, quelle est la différence? Quelqu'un qui peut boire un verre de vin, un verre. Pourquoi il boit un verre? Pourquoi il se suffit? Qu'il boive maintenant 10 ou 15 bouteilles. Il n'y a pas de différence entre un verre et 10 bouteilles. Qui peut boire un verre peut faire plus. Non. Comme on dit dans le dans la bajada, qu'on dit qui vole un œuf vole un bœuf. Tu as volé un œuf, tu peux voler un bœuf. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la zawalu dunya. Il a dit, le prophète a dit que le monde, le bas monde, yani s'anéantisse et part, parce qu'il n'existe plus ce monde, c'est moins yani grave chez Allah subhanahu wa ta'ala que de tuer une personne croyante. Que de tuer une personne croyante. Et dans le hadith Mawquf qui est sahih, Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala a regardé une fois la Kaaba. Il lui a dit, ma a'zamak. Quand tu es sublime, mashallah, la Kaaba, mais il lui a dit que la valeur d'une personne croyante est plus que ta valeur, à peu près en ce sens. Le hadith sahih mawquf, na'am. Il a dit la valeur d'un croyant, yani, est plus, yani, elle vaut plus que toi. Ou bien il a dit en ce sens, yani, si on te détruisait, ça c'est moins grave que de tuer un croyant. Incroyable. Non. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2022, il a dit Inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah min an-na'im an yuqala lahu alam nusihha laka jismak wa nurwiyaka min al-ma'i al-barid n'am alam nusihha laka jismak wa nurwiyaka min al-ma'i al-barid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la première des choses, des ni'mas, la première des faveurs, la première des ni'mas, des bienfaits, dont Allah Azza wa Jal va nous poser la question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va nous dire Yom Kiyam? La première question, j'ai dit, la première question dans les adorations, c'est le salat. Dans entre les hommes, etc., c'est le sang. Maintenant, pour les ni'mas, il va demander les ni'mas. Il a dit dans le Coran, « Wala tus'alunna yawma idhin 'an an-ni'am » C'est quoi la première ni'ma qu'il va nous demander? Il va dire Alam nusihha laka jismak. Allah Ta'ala va te dire dis-moi, ne t'ai-je pas donné un corps? Yani, jismak, yani, ne t'ai-je pas donné la bonne santé, mashallah? Tu n'étais pas en bonne santé? Hein? Je t'ai pas donné un corps, mashallah, fort. Donc, elle dit, c'est une grande ni'ma pour ceux qui ne savent pas. Non. Ceux qui ne savent pas que avoir un corps et être en bonne santé, c'est une grande ni'ma, qu'ils se rappellent ce hadith. Et pour savoir qu'ils sont dans une grande ni'ma, qu'ils voient ceux qui ont, Allah subhanahu wa ta'ala, afia, le cancer. Et ceux qui ont, comment ça s'appelle, avec l'AIDS, je ne sais pas comment on l'appelle en anglais, on dit AIDS. J'ai oublié comment ça s'appelle en français. Là. Le sida. Et ceux qui ont le sida, barakallahu. Et ceux qui ont des maladies très très graves. Va, inshallah ta'ala, faire un tour à l'hôpital. Ne reste pas seulement dans la mosquée enfermée. Sors un peu et va à l'hôpital faire un tour pour que tu connaisses la ni'ma d'Allah sur toi. Va où il y a les maladies dangereuses, les maladies graves. Et ce jour-là, tu sauras que. Que dans une grande ni'ma et que tu ne remerciais pas Allah Ta'ala pour la ni'ma. Si jamais Allah Ta'ala t'épreuve avec une maladie grave ce jour-là ou la dangereuse, ce jour-là tu sauras qu'est-ce que ça veut dire être en bonne santé. Ce jour-là tu sauras qu'est-ce que ça veut dire en bonne santé. J'ouvre une petite parenthèse. Certaines personnes quand ils parlent par exemple du sida ou du cancer ils disent le marad al-khabith. Ils disent la maladie khabitha. La maladie khabitha. Ils parlent du cancer ou du sida. Mais les muhaqqiqoun ont dit on ne dit pas khabith. On ne dit pas khabith. Ce qui vient de là n'est pas khabith. On dit la maladie dangereuse. Khater. Non, khater, on ne dit pas khabith. C'est Allah Ta'ala t'a donné quelque chose. C'est il veut t'enlever les péchés et il veut. Élever ton rang. Il veut élever ton rang, il ne te donne pas quelque chose de khabit. Au contraire, il te donne quelque chose qui, que tu le veuilles ou pas, elle est dans ton bien. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amrul mu'min kullu khayr. Kullu khayr. Amrul mu'min kullu khayr. Certains croient que si Allah Ta'ala te donne une maladie, certains croient que c'est Allah Ta'ala qui te châtie. Abadan. Cette chose. Cette idée-là n'est vraie que si on est un pervers, si on est quelqu'un qui n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il t'a donné une maladie pareille, c'est pour te châtier, ça. Mais si c'est quelqu'un qui a peur d'Allah, quelqu'un qui lui obéit, quelqu'un qui aime Allah, ensuite il lui donne une maladie pareille, c'est parce qu'il l'aime, c'est parce qu'Allah l'a aimé. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Inna Allah idha habba qawman ibtalahum » Hadith authentique, rapporté par Cheikh Al-Albani. Allah Ta'ala, s'il aime une personne, il l'épreuve. Il lui donne la maladie, il lui donne peut-être beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est aussi une épreuve. Et c'est l'une des plus difficiles. Puisque la maladie te donne beaucoup d'argent, yani 70% vont arrêter la salat. Ils ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas le temps de faire la salat maintenant. Ils sont à droite, à gauche, derrière les tentations. Non. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala ne donne pas à tout le monde beaucoup d'argent, alhamdoulilah. Ils nous ont pas donné, alhamdoulilah. Donc, je disais, la maladie grave, ce n'est pas parce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala ne t'aime pas. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aimait pas Cheikh bin Uthaymin la yahmou? Il lui a donné le cancer avant de mourir. Ne lui a-t-il pas donné, Inch'Allah ta'ala, Ahsabouka kazalik ou lawzika Allah ahad? Il ne lui a pas donné le cancer parce qu'il voulait lui élever, il voulait lui élever le rang, hein, le faire monter encore plus avec une maladie pareille et ensuite le faire mourir. C'est comme ça que na'taqid. Comme ça que, Inch'Allah ta'ala, on pense. Donc la première ni'ma, Allah Azza wa Jalla te dira, je t'avais donné une bonne santé. C'est-à-dire, ne t'ai-je pas donné une bonne santé? Et la deuxième question, une question, subhanallah, ça va pas vous venir à l'esprit. Vous allez dire, subhanallah, une question pareille, elle va être posée par Allah Ta'ala. C'est une question qui n'a pas beaucoup d'importance pour nous. La deuxième question, il se dira, Allah Azza wa Jal, ne t'ai-je pas donné de l'eau froide? Ne t'ai-je pas fait boire de l'eau froide? L'eau froide, c'est l'une des plus grandes ni'mas. L'eau froide, quand il fait chaud et tu veux boire, c'est l'une des plus grandes ni'mas. Quand tu amènes tous les jus du monde et tous les boissons du monde, elles ne peuvent pas égaler l'eau. L'eau, mashallah, qui est froide. Assez froide, bien sûr, pas glacée. Mashallah. Allah Ta'ala te demandera et te dira, ne t'ai-je pas donné l'eau froide, tu la bois. Nous l'eau froide, on ne lui donne aucune importance. Nous. L'eau, manger, dormir, toutes ces choses pour nous n'ont pas d'importance. C'est devenu de la routine. Quand tu bois de l'eau, peut-être beaucoup de gens ne disent pas Alhamdoulilah. Alors que si Allah Ta'ala voulait, comme il a dit dans le Coran, il rendrait l'eau salée, personne ne pourra boire. Ce jour-là, tu comprendras que ça veut dire la ni'ma de l'eau. Mais quand quelqu'un, en plein désert, il manque de l'eau, il n'y a pas d'eau, il a soif, et il veut mourir de soif, ce jour-là, tu comprendras que ça veut dire la ni'ma de l'eau. Et c'est pas la peine d'aller loin. De nos jours maintenant, et dans des pays d'Afrique, plusieurs gens n'ont pas d'eau. Là, pour boire de l'eau, c'est difficile. Allah l'a. Et toi, tu ouvres le frigo, mashallah, tu prends la bouteille, comme ça, mashallah, froide, et tu bois, mashallah, et peut-être il n'y a même pas, alhamdoulilah. Alors Allah Ta'ala va te demander, yom al-qiyama, est-ce que je t'ai donné de l'eau froide ou je t'ai pas donné? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu me remercies ou pas? Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith 2028, il a dit, inna ahl al-jannati musayyaruna li'amali ahl al-jannah. إن أهل الجنة مسيرون لعمل أهل الجنة. نعم. وإن أهل النار مسيرون لعمل أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم أدي الحديث يعني. pour ceux qui ont une aqida faible comprennent pas ce hadith. Ce hadith qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ceux ou bien celui que Allah Ta'ala a écrit ou la veut de lui qu'il aille demain au paradis, celui-là, Allah Azza wa Jal va le créer et lui faciliter pour qu'il a le chemin et la voie pour qu'il arrive au paradis. Et celui qui a été créé pour aller en enfer, Allah Azza wa Jal va lui faciliter aussi les actions qui font rentrer en enfer. Le premier, il lui facilite les actions pour aller au paradis, les actions qui ravissent Allah Azza wa Jalla, les adorations, etc. Et l'autre, il lui facilite les mauvaises actions qu'Allah Ta'ala n'aime pas pour aller en enfer. Maintenant, quelqu'un va dire, subhanallah al-azim, pourquoi Allah Ta'ala a-t-il choisi celui-là pour qu'il aille au paradis et ensuite il l'a aidé? Et pourquoi celui-là il a choisi en enfer et ensuite il l'aide pour aller en enfer? Pourquoi cela? Je ne comprends pas moi pourquoi. Et bien je ne sais pas où je suis choisi. Non. Là, il faudrait que tu saches des choses. Premièrement, c'est ça la harida. Premièrement, que tu n'aies pas dans ton cœur un atome. Je dis un atome. Il ne faut pas avoir, si tu es un vrai croyant, il ne faut pas avoir un atome dans le cœur que Allah Azza wa Jal peut être injuste ou bien peut faire du tort à quelqu'un. Hadi, il faut l'avoir dans le cœur bien ancré. Allah Ta'ala ne t'enlève jamais une hasana que tu fais. Une bonne action, il te l'enlève et le jour du jugement dernier, tu vas trouver qu'il te manque des hasana, qu'il va te les prendre. Jamais de la vie. Jamais. Tu fais une hasana, il t'écrit au moins 10. Jusqu'à 700, jusqu'à des milliers. Non, tu fais une seule hasana. Donc, la première des choses, c'est de être archi, yani, convaincu que Allah Azza wa Jal ne fait jamais, jamais du tort à personne et ne lèse jamais personne. Maintenant, quand Allah Ta'ala nous a créé, il savait que cette personne, voilà ce qu'elle allait faire, elle allait l'adorer, elle allait aller à la mosquée, elle allait yani, faire le ramadan, elle allait jeûner, elle allait ceci, ceci. Donc, Allah Azza wa Jal a dit, a écrit sur la table préservée, cette personne ira au paradis. Ce qu'il a écrit sur la table, c'est 50 000 ans avant de créer les personnes. Et la deuxième personne, Allah Ta'ala sait que cette personne ne va pas lui obéir, cette personne va l'insulter, cette personne va faire. Hein. Il a dit, cette personne ira en enfer. Mais, c'est pour ça que Allah Ta'ala, s'il avait voulu, avant de nous faire descendre ici dans ce bas monde, avant de nous créer, c'est-à-dire, Allah Azza wa Jal aurait pu nous faire venir directement qu'on se trouve chez Allah, on ne se trouve pas dans ce bas monde. Et il te dira, toi en enfer, toi au paradis, toi en enfer, toi. Tu diras, pourquoi il te dit, je sais, toi, qu'est-ce que tu vas faire si je t'avais laissé filer, si je t'avais laissé vivre. Tu aurais fait de bonnes actions, etc. Donc, va au paradis. Et toi, Y, va en enfer. Pourquoi Allah? Parce que si je t'avais laissé filer vivre, tu aurais fait ceci, cela, des choses que j'aime pas, etc. Donc, va en enfer. Mais Allah Ta'ala ne fait pas comme ça. نعم لا يحاسب العباد بعلمهم فيهم إنما يحاسبهم بالأعمال. Il ne juge pas les gens d'après ce qu'il sait de ces gens, mais il les juge d'après leurs actions. C'est pour ça que si Allah Ta'ala disait comme ça, si Allah Ta'ala dit toi va en enfer, personne n'acceptera. Tout le monde dira ya Allah, excusez-moi, mais yani, si vous m'avez fait vivre, je ne serais pas sorti de la mosquée. Tout mon argent, je l'aurais donné à Sabillah. Et j'aurais passé la nuit à faire la prière. Et les jours à jeûner. Et comme ça, et ainsi. Naam, tout le monde dira comme ça. Donc Allah Ta'ala veut que yani, tu saches toi-même. Yani, tu saches toi-même. Il nous a fait descendre dans cette vie pour vivre et que tu fasses des actions. Et demain, quand tu mourras, il te dira donc, regarde ce que tu as fait comme bien et regarde ce que tu as fait comme mal. Naam. Donc, ce n'est pas Allah Ta'ala qui, yani, par piston, naam, da'wa salafiyya, est-ce qu'il a le sang? Alhamdulillah. Donc, c'est pas Allah Subhanahu wa Ta'ala qui, par piston, va choisir X pour le paradis et Y pour l'enfer. Jamais. Toute personne. Je dis toute personne, sans exception, si elle devient croyante et elle fait les bonnes actions et elle n'annule pas sa croyance jusqu'à ce qu'elle meure, cette personne, bi'idna ta'ala, ira au paradis. Naam. Wa min amila salihan min dhakarin wa unta aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan tayyiba. Naam. Allah Ta'ala nous a montré la voie qui mène au paradis et nous a yani prévenu, montré et prévenu de la voie qui mène en enfer. Naam. Donc c'est à toi, bi'idna ta'ala, de choisir. Naam. C'est à toi, bi'idna subhanahu azza wa jal, de choisir. Toi, tu choisis le chemin que tu veux. Allah Ta'ala dit, wa hadaynahu najdain. Tu es libre, maintenant moi je suis libre. Ou bien, je vais aller à la mosquée, ou bien je vais aller au bar. Je suis libre. Je veux aller à la mosquée, j'y vais. Je veux aller au bar, j'y vais. Je suis libre. Non. Je veux demain jeûner, je jeûne. Je veux pas, je jeûne pas. Et comme ça. Je veux faire la prière, je la fais. Je veux pas, je veux pas. Je la fais pas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il aide. Il aide celui qui veut lui obéir. tu veux lui obéir, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider. Naam. Il va descendre, yani la lumière dans ton cœur, il va raffermir ton cœur. Il va te faire aimer le din. Subhanallah, il t'aide. Comme il a dit lui, Azza wa Jal dans un hadith sahih, Qudsi, il a dit, si mon serviteur se rapproche de moi, yani d'un ampon, chibre, je me rappelle d'un bras, je me rapproche d'un bras. S'il vient en marchant, je vais vers lui en courant. Et comme ça. Dès que tu fais une petite chose, Allah subhanahu wa ta'ala t'aide et t'ouvre ses portes et t'aide à faire mieux que la chose que tu viens de faire. Et la même chose, pourquoi? La même chose pour le contraire. Si tu veux désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et tu dis moi, je n'ai pas envie de cet islam, moi, je veux vivre ma vie, je veux ceci, cela, Allah ta'ala va t'ouvrir aussi les portes de l'enfer. Il va t'ouvrir les portes du shaytan. Il a dit dans le Coran, ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الذين كفروا تأزهم أزا نعم il a dit que ceux-là, ceux qui font du matia, je leur envoie des shaitans qui les exhortent encore, qui les exhortent encore. نعم. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a choisi ce chemin et il veut ce chemin. Il veut ce chemin. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans un verset que vous connaissez tous, il a dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. نعم. Regardez ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit celui qui donne, fait l'aumône et sira, et craint Allah. نعم. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Et déclare véridique la plus belle récompense. Celui-là, il a dit, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Naam. Ça nous yassirou l'idoussa. Et quant à celui qui est avare et se dispense de l'adoration d'Allah, il ne veut pas adorer Allah, il traite de mensonge la plus belle récompense, qu'est-ce qu'il va lui faire Allah Ta'ala? Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Naam. Tu veux Allah Azza wa Jal et tu veux ce qu'il a, et tu veux son paradis, et tu veux la face d'Allah, il va t'ouvrir les portes et t'aider. Tu veux le contraire, il va aussi t'aider dans le contraire, et laisser les shayatins faire de toi ce qu'ils veulent. Car si tu suis son chemin, il va enchaîner les shayatins, et c'est lui qui va t'aider. Donc c'est les anges qui vont être avec toi. Tu veux le contraire, Allah Azza wa Jal s'éloigne de toi. Il te laisse avec tes shaytans, tes tentations, tes amis qui ne sont pas bien, ton entourage qui n'est pas bien, et les passions. C'est la fin pour toi. Non, Allah Ta'ala c'est loin de toi, c'est la fin de toi, pour toi. Donc, maintenant on a compris le hadith que Allah Ta'ala il a créé les gens. Celui que Allah Ta'ala sait que cette personne va aller au paradis, parce qu'il sait qu'elle va faire des choses que Allah Ta'ala aime et l'adorer, il va lui faciliter la route. Et celui que Allah Ta'ala sait que cette personne va aller en enfer, parce que elle n'aime pas l'islam, elle n'aime pas les adorations, Allah Ta'ala va lui dire, donc, je vais t'ouvrir les portes de la difficulté et les portes de ces choses-là pour que demain tu ailles en enfer. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2029, il parle de Ahlul Jannah, il parle de ceux qui iront au paradis. Il a dit, ceux qui sont au paradis, in Ahlul Jannah, ya'kuluna fiha wa yashrabun. Ceux qui sont au paradis, ils boivent et ils mangent. Pourquoi il a dit comme ça? Ils mangent et ils boivent. Parce que certaines personnes croient qu'au paradis, on ne mange pas et on ne boit pas. Au paradis, tu bois et tu manges. Sinon, pourquoi tous les versets où Allah Ta'ala, où il dit que vous aurez des raisins, vous aurez des grenades, vous aurez même les bananes existent dans le Coran. Pourquoi les arbres fruitiers, pourquoi ceci, pourquoi il a dit il y a le vin, pourquoi il a dit il y a le lait, il y a le miel, si on ne mange pas. Tu manges au paradis, mais seulement il n'y a ni urine, ni autre chose. Tout ce qui sort de toi, c'est quoi? C'est de la sueur qui, mais c'est pas de la sueur, c'est du muscle, un parfum, mashallah, qui sort des pores de notre corps. Comme ça, si tu passes devant quelqu'un, il sent, mashallah, le parfum, le beau parfum, pour avoir mangé des choses, des fruits, etc., du paradis. Ensuite, il a dit, ولا يبولون ولا يتغوطون ils n'urinent pas, ils ne défèquent pas, لا ينتحتون, ils se mouchent pas, ولكن طعامهم ذلك الجوشاء. نعم. Il a dit, leur manger, et ils font un rot. Ils font un rot. Comme nous, on rote. Ils font un rot. نعم. Ensuite, il a dit, pardon, نعم. L'euro, il y a l'euro au paradis. Dans ce bas monde, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien quand quelqu'un, il rote. Il rote. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu quelqu'un roter, il lui a dit, kuffa anna jusha'ak. Arrête, yani, ne fais pas comme ça, ou la diminue de cette chose. Ne fais pas comme ça. Non. Ensuite, il a dit, ceux qui, yani, mangent beaucoup dans ce bas monde, ceux-là, ce seront ceux-là qui auront beaucoup faim le jour du jugement dernier. Non. Celui qui mangeait beaucoup dans ce bas monde aura beaucoup faim le jour du jugement dernier. Naam. Il n'a acheté d'un assis chibra fil dunya, acheté d'homme du an yom al qiyama. Ensuite, il a dit, wa rishhun ka rishhin misk. Je l'ai expliqué tout à l'heure, le parfum qui sort de leur porte. Yulhamouna tisbihu tahmid. Kama tulhamouna antum nafas. Les gens du paradis disent beaucoup. Subhanallah, subhanallah, ils disent beaucoup alhamdulillah, alhamdulillah. Il n'y a aucun verset ou là aucun hadith qui dit qu'ils parlent en arabe. Certains se basent sur un hadith faible qui dit qu'ils parlent en arabe. Il n'y a pas un hadith qui dit comme ça. Mais ils diront beaucoup subhanallah ou alhamdulillah. Il a dit, le prophète a dit, ils diront cela yani, d'une façon presque instinctive. Comme vous, il a dit, comme vous, yani, vous avez la respiration. Non. Est-ce que nous, quand on respire, est-ce qu'on pense avant de respirer? Hein, je dis, je vais respirer, je vais souffler, je vais souffler. Ça sort tout seul, ça sort tout seul. La même chose, les gens du paradis. Subhanallah, alhamdulillah, ça sort tout seul. Ilham, ilham min Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va tout sortir tout seul. Sans qu'ils le veuillent eux. Sans qu'ils le veuillent eux. Pardon. Parce que le paradis n'est pas un lieu de quoi? D'adoration. C'est un lieu où tu vas avoir ta récompense. Il n'a ni salat ni rien. C'est un lieu où tu vas avoir ta récompense. Mais si quelqu'un, je dis, si quelqu'un veut par exemple faire les ablutions et veut faire la salat, il est libre. Non, mais il ne lui est pas interdit s'il veut faire cela. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est monté au paradis, il a dit, j'ai vu un palais. J'ai vu un palais et devant ce palais, il y avait une jeune femme qui était en train de faire des ablutions. Regardez. Elle était en train de faire quoi? Des ablutions. Donc c'est permis au paradis si tu veux faire des ablutions. Tu veux faire la prière, fais-la. Mais ce n'est pas comme ici. Ici, c'est obligatoire. L'adoration est obligatoire. Là-bas, l'adoration est surérogatoire. Mais ce qu'il y a, c'est la récompense qui t'attend, les jours heureux, et la famille, les rencontres, les prophètes. Regardez là. Et ainsi de suite. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah ta'ala, qu'il nous fasse de ceux, inshallah ta'ala, qui rentreront au paradis. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna ahl al-darajat al-ula yarahum man huwa asfalu minhum kama tarawna al-kawkab al-tali'a bi ufuq al-sama wa inna Abu Bakr wa Umar minhuma wa Naima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit que dans le paradis il y avait comme des étages. Il y a des rangs. Il y a des rangs. Il y a celui-là, une personne qui est là, par exemple, dans cette maison, dans un palais ici. Et à 1000 km ou là, 10 000 km vers le ciel, il y a d'autres gens qui sont là-bas. Ensuite, plus haut, d'autres. Et ensuite, plus haut, d'autres. Et comme ça. D'après quoi? D'après la piété, la sincérité, le tawhid et les bonnes actions. Et les bonnes actions qu'ils avaient dans ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith 2030, c'est sahih, il a dit yarahum man huwa asfalu minhum kama tarawna al-kawkab al-tali'a. Il a dit, ceux qui sont en bas verront ceux qui sont en haut comme vous voyez l'astre quand il commence à luire la nuit. Dans un temps, nous on regarde la nuit par une des étoiles. La même chose au paradis, tu regarderas les gens qui sont ils seront au-dessus de toi comme tu vois maintenant les étoiles ou bien l'astre très très très loin. Subhanallah, et vous êtes d'accord avec moi que celui qui est plus haut que toi a mieux que ce que tu as toi. Les deux, vous avez le paradis, mais ce n'est pas la même chose. L'autre, on lui sert des choses que toi, on ne te sert pas. On lui donne des choses que toi, tu n'en as pas. C'est comme ça. D'après quoi ? D'après le rang où tu es. D'après le rang où tu es. Vous remarquez seulement, regardez, vous remarquez seulement, dans une caserne, par exemple, dans une caserne, ceux qui ont fait l'armée, ils savent ce que je vais dire. Dans une caserne, il y a ce qu'on appelle le mess, il y a le restaurant, où il y a des soldats simples qui mangent, et il y a par exemple le restaurant où il y a les gradés qui mangent, les capitaines, les commandants, etc. Ce qu'on sert dans le deuxième, on ne le sert pas dans le premier où il y a les soldats. Les soldats, on leur donne la soupe un peu de lentilles, un peu de, comment ça s'appelle, macaronada et la loubia. Ça s'arrête là, les lentilles et le, je ne sais pas comment ça s'appelle, loubia, mais ça s'arrête là. Les autres là-bas, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont les poissons, ils ont les crevettes, ils ont des choses que les premiers ils ne savent même pas. Non, c'est à peu près un exemple que je veux dire. C'est à peu près un exemple. Non, plus tu es haut, élevé dans le paradis, plus tu as des choses, mashallah, que les autres n'ont pas. Non, et ceux qui sont au-dessus de toi, au-dessus de toi. Les haricots, non. Ils te donnent les haricots. Non, ils te donnent les haricots et la loubia. Il n'y a pas de sang, Dawa. Il n'y a pas de sang, on dit, il n'y a pas de sang. Non, mais il y a le sang. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, mashallah, barakallahu fikum, a dit, dans le hadith 2032, il a dit, inna ahlan nari layibkoun, hatta law ujriyati soufounu fi dumu'ihim jarat, wa innahum layibkoun addam, Allahu akbar. Un bon hadith, bon, numéro 2032. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui seront en enfer pleureront, hein, vont pleurer et pleureront au point que, yani, si on mettait une barque sur les pleurs qu'ils ont pleuré, tellement ils ont pleuré, que si on mettait une barque sur ce qu'ils ont pleuré, la barque va voguer. C'est comme si elle voguait sur la mer. Donc ils vont pleurer. Vous ne pouvez pas imaginer combien ils vont pleurer. Au point où, si on mettait une barque, elle allait voguer. Subhanallah, tellement qu'ils vont pleurer des années et des années. Ensuite, le hadith a dit à la fin, wa innahum la yabkuna dam, et ils pleureront le sang. Ils vont pleurer le sang. Vous avez déjà vu quelqu'un pleurer le sang? Jamais. Mais ceux-là vont pleurer le sang, à force qu'ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent, ensuite il n'y a plus de larmes. Ensuite, quand ils commencent à pleurer, yani, c'est plus fort qu'eux, donc ils sont en train de quoi? En train de brûler ce qu'ils ont comme énergie, ça, et ça va sortir de leurs yeux du sang, ou l'ayyadu billah. Du sang va sortir, yani, de leurs yeux, jusqu'à ce qu'ils fassent des lacs de sang, à cause des pleurs, à cause des regrets, à cause, alors que Allah Ta'ala ne t'a pas demandé quelque chose de grave, ne t'a pas demandé quelque chose de difficile, il t'a dit seulement crois en moi, adore-moi et ne fais pas le shirk, adore-moi, crois en moi, ne fais pas le shirk, fais les bonnes actions et demain tu auras la grande récompense. Et l'une des plus grandes récompenses, c'est de ne pas aller en enfer. Avant le paradis, parlons déjà de l'enfer. Tu ne vas pas aller en enfer. Masha'Allah, c'est très facile. Quand tu es croyant, premièrement, tu es toujours propre. Le wudu, masha'Allah. Deuxièmement, tu apprends à être ponctuel. C'est la prière à l'heure. Troisièmement, alhamdoulilah, tu as la foi qui est dans ton cœur. L'autre, il n'a pas la foi. L'autre, il a l'argent. Il a beaucoup d'argent, mais malheureux. Toi, un peu d'argent, mais heureux, masha'Allah. Et le bonheur qu'il y a dans ton cœur ne se trouve partout. Il ne peut s'acheter. Avec tout l'or du monde, tu ne peux pas l'acheter, le bonheur. Que Allah Ta'ala descende dans le cœur, qui s'appelle la sérénité et la quiétude. Sakina. Ta'alim Allahu ma fi qulubihim, fa'anzala alayhim sakina. Vous voyez, des milliardaires qui se suicident. Subhanallah, des milliardaires qui se suicident. Et des gens très simples, qui n'ont pas de quoi manger, qui ne se suicident pas, et ils sont là, heureux à faire la prière. C'est quoi ça? C'est l'iman. Tu sais que voilà ce qui t'attend demain. Tu sais que tu es un voyageur qui doit passer, c'est tout. Un voyageur. Donc, tu vis pourquoi? Tu vis pour l'au-delà, tu ne vis pas pour cette vie. Tu vis en te préparant jour et nuit à l'au-delà. Jour et nuit, tu te prépares. Tu sais qu'il y a un jour que tu es obligé de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala qui va te demander tes actions. Donc, dès maintenant, le vrai croyant, c'est celui qui se prépare. Chaque minute, il ne la laisse pas passer. Ou bien il fait Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ou bien avec son cœur. Parce qu'Allah, il invoque Allah avec son cœur. C'est pas c'est pas obligé avec les lèvres, mais au moins avec son cœur. Il n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Il l'invoque avec les actions. En faisant la prière, ça. Il l'invoque en faisant les prières surérogatoires et les choses surérogatoires. Il l'invoque en s'éloignant du haram. Si tu t'éloignes du haram, tu as des récompenses. Quand il y a un haram, tu t'éloignes de lui seulement, Allah ta'ala te donne une récompense. Une récompense. Pourquoi? Tu t'es éloigné du haram à cause d'Allah. Si ce n'était pas Allah ta'ala avait dit ne faites pas cela, je l'aurais fait. Mais je ne l'ai pas fait à cause d'Allah. Donc, tu délaisses quelque chose à cause d'Allah, Allah ta'ala te donne une récompense. Comme dans le hadith sahih. Quiconque délaisse une chose à cause d'Allah, Allah ta'ala va lui donner une récompense. La... Afoun. J'ai toussé plus que je n'ai parlé. Non, j'ai toussé plus que je n'ai parlé. Barallahu ma shafa'a. Tayyib, j'étais haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith numéro 2033. Non, dans le hadith numéro 2033, hadith sahih. Il a dit Inna ahwana ahli nari adaban man lahu na'lani wa shirakani min nar yaghli minhuma dimaghuh kama yaghli al-mirjalu ma yara anna ahadan أشد منه عذابا وإنه لا أهونهم عذابا سبحان الله العظيم نزل الحديث إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يحذى له نعلان من نار يغلي منهما دماغه يوم القيامة le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans ce hadith celui qui aura le moins de عذاب le moins le jour du jugement dernier c'est quelqu'un que Allah Ta'ala lui mettra deux chaussures de l'enfer. Non, il lui mettra deux chaussures de l'enfer. Dès qu'il va les mettre, sa cervelle va bouillir. Dès qu'il rentre ses pieds, sa cervelle va bouillir. Subhanallah, comme l'eau qui bout. Tellement la chaleur. Le hadith a dit cette personne va croire que il n'y a pas une personne qui est en train de châtier plus qu'elle. Il n'y a pas une autre personne qui a plus de châtiment que celle-là. Le hadith a dit, alors que cette personne, c'est celle qui a le moins de châtiement. Naam. Regardez, il met les souliers, sa cervelle commence à bouillir. Il va croire que il n'y a pas plus grand châtiment que celui-là. Alors qu'en fait, celui-là, c'est le moindre châtiment. C'est le plus bas, le plus bas, le plus bas. C'est le plus bas. Et c'est pour ça que, d'après le hadith sahih, cette personne-là, c'est qui? C'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, qui n'a pas voulu rentrer en islam. Celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui fera une intercession, shafa'a, auprès d'Allah ta'ala, pour demander qu'il fasse de lui, celui qui sera le moins châtié, le moins supplié en enfer. Allah ta'ala lui exaucera et lui ordonnera qu'on lui mette des souliers de l'enfer. La hawla wa la quwwata illa billah. Dans un autre hadith, qu'on le mettra dans de l'eau. L'eau qui arrive jusqu'à son tibia, l'eau de l'enfer. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith 2038, il a dit, Inna bil madinati jinnan qad aslamu. Naam. Inna bil madinati jinnan qad aslamu. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit il y a des djinns qui sont devenus musulmans. Des djinns à Médine. En son époque, il a dit cela. Il a dit il y a des djinns qui sont devenus musulmans. Et vous savez qu'Allah Ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wasalam d'aller lire le Coran au djinn. Il est parti avec Abdullah ibn Mas'ud, il lui a dit attends, reste ici, il lui a fait un cercle, il lui a dit ne sors pas d'ici. Et il est allé un peu loin, il a lu, le prophète alayhi salam a lu le Coran au djinn, subhanallah al-azim. Il leur a lu Sourate al-Rahman. À chaque fois il disait il répondait en ce sens, non, on ne dément pas les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc ici le hadith a dit que les djinns, certains djinns sont devenus musulmans. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ بَدَ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. Le prophète alayhi salam va nous montrer quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. J'ai dit que plus tu connais la sunna, plus tu vis heureux dans cette vie, il n'y aura pas de problème, et heureux dans l'au-delà, bien sûr. Il a dit, si vous voyez des djinns dans la maison, il faut quoi? Il faut, dans un autre hadith, il a dit, harriju alayhinna salatin. Comment cela? Harriju alayhinna salatin, ça veut dire, mettez-les en garde trois fois. Il a dit, maintenant, s'il n'y a rien, ils ne veulent pas aller, si djinn, ils veulent rester, tu peux le tuer. C'est un shaitan. C'est plus un djinn, c'est un shaitan. C'est quoi ce hadith exactement? Les djinns, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peuvent se transformer en chien et en serpent. Des fois, quelqu'un rentre à la maison, surtout ceux qui habitent près des forêts, etc., du bled, etc., il peut trouver un grand serpent dans la maison. Donc, on ne doit pas directement prendre une hache, essayer de tuer le serpent. Hein? Pourquoi? Pour deux raisons. La première, il est possible que ce soit un musulman, un djinn musulman qui est venu sous la forme d'un serpent. Et un djinn musulman, si tu le tues, tu as des péchés. Pourquoi tu as tué un djinn? Un djinn qui vit comme toi, qui mange, boit et dort, et fait la prière comme toi, et il va au hajj comme toi, et il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu le tues celui-là? Non. Donc, tu dois faire quoi? Tu dois tu harriju alayhi salatan. C'est-à-dire, trois fois, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, tu lui dis, Antunna fi dhayqin wa haraj in labithti 'indana aw dharti lana. Tu lui dis à ce serpent, attention, toi, tu es dans des machakil, des problèmes, si tu vas rester chez nous, ou tu vas te montrer. Tu vas te montrer, quand tu t'es montré ici. Attention, le prophète Hassan, il a dit, tu dis ça trois fois. Dans un autre hadith, il a dit, Inna. Hadith Muslim, il a dit Inna bihadhihi al-buyut awamir. Il a dit les maisons ont des habitants. Les habitants, ils parlent des djinns. Fa idha ra'aytum minha shay'an fahriju 'alayhi thalathatan. Si vous voyez quelqu'un dans la maison, dites trois fois ce que je vous ai dit. Dites attention, tu es ici, tu n'es pas bien. Il va t'arriver des problèmes. Donc, si tu te montres ou tu restes ici chez nous. Il a dit si maintenant c'est un djinn musulman, il va partir. Maintenant, s'il ne veut pas partir, le prophète a dit, c'est un shaitan. Non. Donc, tu n'as pas le droit de tuer directement. Sauf quoi? Sauf si ce serpent contient une de des choses, ou bien il a la queue coupée. Non. Si le serpent n'a pas de queue, il a la queue coupée, celui là tu le tues directement, c'est un shaitan. Et le deuxième hadith a dit, ou bien il a deux traits blancs sur son dos, le serpent, s'il a deux traits blancs sur son dos, celui là tu le tues. Donc il y a deux genres de serpents que tu peux tuer directement. L'autre, tu dois lui dire d'abord ce que a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et attendre, parce qu'il part, est-ce qu'il part pas, sinon tu le tues. Allez. Il y a un hadith sahih. Il est aussi Cheikh Al-Albani, mais je crois qu'il est dans le Bukhari. Où quelqu'un était en voyage. Je crois qu'il était dans la guerre sainte. Et il revenait vers lui. En arrivant, presque en arrivant devant lui, il restait peut-être 20 ou la 30 mètres ou la 50 mètres. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a vu sa femme, il a trouvé sa femme devant la porte. Subhanallah l'Azim. De loin, avant d'arriver, il lui a dit, tu es divorcé. Elle t'est taliq. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les Arabes et les croyants sont beaucoup jaloux de leur femme. Et il l'a trouvé seulement devant la porte et seul. Imaginez qu'il l'ait trouvé maintenant avec un homme en train de discuter. Ou là, imaginez qu'il l'ait trouvé sans foulard, contre les cheveux visibles et avec un homme en train de discuter. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Celui-là, il l'a trouvé seulement devant la porte. Il lui a dit, Ante taliq, tu es divorcé. La femme lui a dit, attends que tu arrives devant la porte, tu vas voir ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui m'a poussé à être devant la porte. Ça y est, il a fait les 20 ou 30 mètres, il est arrivé. Elle lui dit, regarde qu'est-ce qu'il y a dans ma maison. Il est rentré dans la maison, il a trouvé un grand serpent. Et, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelque chose, une hache ou je ne sais pas quoi, et il est allé directement pour le tuer. Ou bien il ne connaissait pas ce hadith que je viens de citer tout à l'heure, ou bien il l'a oublié, ou bien Allahu a'lam pourquoi. Il est allé directement le tuer. Le serpent s'est projeté sur cet homme et ils ont commencé à se battre les deux jusqu'à ce que les deux soient tombés morts. Le serpent et l'homme. Ce sahabiada, il est tombé mort. Les deux sont morts à la fois. Naam. Pourquoi? Parce que ce serpent-là était un djinn. Naam. C'était un djinn. Il a sauté sur lui. L'autre, alhamdoulilah, il a su se défendre. Et il a fait le maximum. Il a tué. Il a tué le djinn. Mais le djinn l'a aussi tué. Ils sont morts tous les deux. Ils sont morts tous. Alors que s'il avait dit ce qu'avait dit le prophète Aslam, le djinn ou bien serait parti ou bien il aurait pu le tuer facilement. Car Allah Ta'ala lui ôtera la puissance qu'il a. Dawa Salafia, il n'y a pas de son? Non, Dawa Salafia. N'écris pas zéro avant d'être sûr. N'écris pas zéro avant d'être sûr. Parce que bon, je m'arrête un peu pour respirer. Non. Non. Ta'am Allah. Je préfère que le lien soit pendant les questions-réponses pour que les gens restent concentrés. Là, car quand quelqu'un va rentrer dans un lien, l'ouvrir, etc., il va perdre, bon, c'est pas il va perdre de temps, mais plusieurs choses, il ne va pas les entendre. Là, jazakallahu khayran, là, jazakallahu khayran. Attendez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, là, dit, donc regardez, barakallahu fikum, regardez. Si, en islam, un djinn, tu n'as pas le droit de le tuer avant de lui avoir fait la da'wah, avant de l'être mis en garde, subhanallah l'azim. Un djinn, tu n'as pas le droit de le tuer avant que tu le mettes en garde. Qu'en est-il de tuer un musulman incroyable, une personne, qu'en est-il? Un djinn, c'est interdit, subhanallah l'azim. Qu'en est-il de tuer une personne comme ça, yani, par traîtrise, quand on est criminel, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 2024, il a dit, Inna bani Israël iftaraqat ala 71 firqa. Les juifs sont divisés en 71 sectes. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqa. Et ma nation se divisera en 72 sectes. Certains ne disent pas secte, Allahu a'lam. Kulluha fi an-nar illa wahida. Toutes en enfer, sauf une. Une seule ne sera pas en enfer. Wa hiya al-jama'a. Et c'est al-jama'a, les gens du consensus. Non. Al-jama'a, un sunna dit, al-jama'a se divise en deux. Il y a deux sortes. Il y a l'ijtima'a ala al-adyan ou l'ijtima'a ala al-abdan. Ou ce groupe Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a le son? Non, est-ce qu'il y a le son? Naam, l'eau fraîche, certes, l'eau froide, Allah Ta'ala va nous demander l'eau froide yom al-qiyamah. Tu as bu l'eau froide. Taïb, subhanallah al-azim, subhanallah al-azim. Avant, il y a deux jours seulement. Il y a deux jours, une Kuwaitienne m'a dit, fais-moi la ruqya dans un peu d'huile. Je crois que c'est l'huile d'olive. Elle me dit, est-ce que vous pouvez me lire un peu sur l'huile ici? Taïb. Je lui ai lu sur l'huile pour qu'elle boive et elle fasse un massage. Le lendemain, c'est-à-dire hier, elle m'a ramené, masha'Allah, un sachet plein de médicaments. Ça fait deux ou trois mois que je suis malade, je me laisse aller. Je dis demain, et c'est comme ça. Maintenant, hier, elle m'a ramené un sachet plein de médicaments et j'ai commencé à prendre des médicaments depuis hier. C'est pour ça que je me sens beaucoup mieux. Pour vous, ça vous est, quand vous dites, comment, il n'arrête pas de tousser, il est mieux. Mais je me connais. Je suis beaucoup, masha'Allah, alhamdoulilah, je suis beaucoup mieux. Je ne tousse que par hassasiya, par allergie. Je suis en train de tousser. Et toute la journée, alhamdoulilah, je ne tousse pas. Alhamdoulilah. Donc, j'étais haut. Naam. Un sunnah au jama'a dit, ça ne suffit pas que tu dises, moi j'ai le Coran et j'ai la sunnah. Pour voir un médecin, c'est mieux. Naam, inshallah ta'ala. Je le verrai bi'idnillah. Inch'Allah, dans un an ou deux. Je disais que, les sunnah ou jama'a disent que ça ne suffit pas de dire moi je. Le Coran et la sunnah ne me suffisent. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas leur sens et tu vas peut-être interpréter le Coran et la sunnah comme tu veux toi. Ou bien, tu vas les interpréter comme les ont interprétés les Mu'tazila. Ou les Shia, ou les Firq al-Ukhra, ou les Jahmiya, ou les Karamiya, ou les Murji'a, ou tu vas interpréter les choses comme tu veux toi. Non. C'est pour ça que si tu prends le Coran et la Sunna, ensuite tu prends l'interprétation des Salaf Salih, radiallahu ta'ala. Dans ce cas, alhamdoulilah, Allah Ta'ala t'a voulu du bien. Le Coran et la Sunna, si tu les interprètes comme tu veux toi, ça veut dire que tu n'as suivi ni le Coran ni la Sunna. Tu as suivi tes passions, tu as suivi tes passions et tes tentations. Tu as expliqué le Coran comme tu veux toi. Et la Sunna comme tu veux toi, et non pas comme a voulu Allah Ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. Vous remarquez par exemple les frères musulmans, ils donnent à l'islam, l'islam politisé, l'islam de la politique. Non, c'est un exemple. Et ils ne veulent pas revenir au salaf salah. Ils disent, on veut l'islam le moderniser. On va faire, on doit comprendre les versets de la sunna d'après le temps où on vit. Hein? On doit, subhanallah, alors que c'est le contraire. Hein? C'est pas que tu vas rendre le. Comment on va? C'est l'waqa. C'est ce que tu vis. Ce que tu vis, tu dois l'islamiser. C'est pas le contraire. C'est pas le Coran et le Sunna, tu veux les interpréter d'après ce que tu vis. Mais ce que tu vis, tu dois le faire. Tu dois le faire, tu dois le conditionner par le Coran et la Sunna. Naam, al-muhim. Je disais que. Naam. C'est pour ça que le prophète a dit Alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin mahdina min ba'di. Il a dit Alaykum bi sunnati, suivez ma Sunna et la Sunna. Des khulafa rachidin. Ça ne suffit pas sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Il faut encore celle des khulafa rachidin et des salaf salah. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Il a dit quiconque veut contrarier le shaqiq al-rasul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, alors que Allah Ta'ala lui a montré le chemin à suivre. Il a dit, وَيِتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et ne va pas suivre le chemin des croyants, il parle des sahaba et des salaf salah, il a dit, celui-là, je le ferai entrer en enfer. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le fait déjà de contrarier, vouloir contrarier le prophète, alayhi salam, mène en enfer. Pourquoi Allah Ta'ala a ajouté, et il ne suit pas la voie des prédécesseurs? Pourquoi il a ajouté cette chose? Il ne suit pas la voie des croyants. Montrer que il faut suivre aussi cette voie. Non, il faut aussi suivre cette voie. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans un verset, فَإِنْ آمَلُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Et s'ils vont croire avec de ce que vous avez cru. Non, c'est pas tu crois ce que tu veux toi. Tu crois ce que les sahaba ont cru. Tu crois ce que les salaf ont cru. C'est leur croyance, c'est pas ta croyance que tu dois suivre. Tu dois suivre la croyance des salaf salaf. Radiallahu ta'ala anhum. Non. Ça c'est le premier. C'est le premier ijtima, le premier regroupement. C'est al-sunnah al-jama'a. Le deuxième regroupement, il se regroupe auprès de qui? Ça s'appelle ijtima' al-abdan. Il y a ijtima' al-adyan, ijtima' al-abdan. Ijtima' al-adyan, le groupement dans le din, on l'a montré. Ensuite, ils ont le groupement dans les corps. Comment cela? Ils suivent tous le qui? Le gouverneur musulman, tant qu'il est musulman. Non. Tant qu'il est musulman, ils suivent ce gouverneur. Tant qu'il ne leur dit pas de faire et de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que le gouverneur ne te dit pas, ne te force pas à désobéir à Allah. Tant qu'il ne te demande que des choses qui sont permises et qui ne se contradisent pas avec la charia, tu es obligé de quoi? De lui obéir. Alors là, pour s'éloigner de qui? Des khawarij. Les khawarij qui disent que yani, le gouverneur, c'est un kafir. Gouverneur, c'est un kafir. Et c'est un kafir, on doit lui faire la guerre. Alors que, même s'il était kafir, tu n'as pas le droit de lui faire la guerre. Même si c'est kafir. Non. Imaginez que un gouverneur vienne nous commander, il est kafir. Il est kafir, ça veut dire on fait la guerre. La guerre n'a rien à voir avec ça. La guerre, est-ce que tu es prêt pour la guerre? Est-ce que tu as les moyens? Non. وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا سَتَعْتُمْ مِنْ قُوَى مِنْ رِبَتْخَيْ تُرْهِبُونَ بِعَدُوا اللَّهِ. Pour faire peur à l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu lui fais la guerre quand tu sais que tu vas le vaincre. Et toi, tu lui fais la guerre pour anéantir les musulmans. Tu fais la guerre. Ils ont fait la guerre en Algérie au gouverneur. Ils, nous, c'est entre parenthèses. On est revenu 20 ans en arrière en Algérie. On est revenu dans le din 20 ans en arrière. Non. Parce que le gouverneur, jamais ne te donnera sa chaise. Jamais ou grand jamais. Le gouverneur peut tuer sa mère et son père et ses enfants pour qu'il reste dans le chokm. Non. Et toi, tu crois que, avec une hache et deux ou trois couteaux et un pétard, tu vas, yani, triompher sur le gouverneur. Non. Al-Sunnah al-Jama'a disent, tant qu'il est croyant, vous devez lui obéir, bi'inna azzawaj. Afalan nous nabidhum bi-saif, la, ma'aqamu salat. Les sahaba ont posé la question au prophète, est-ce que on leur sort nos épées? Il a dit non, tant qu'ils font la salat. Non, tant qu'il y a la salat, ils te laissent faire la salat, les mosquées sont ouvertes, il ne dit pas pourquoi tu fais la salat, tu ne peux pas lui faire la guerre. Non. Donc il y a la salat, il laisse la salat, il fait lui la salat, c'est qu'il y a l'iman. Il y a le iman. Voyez, j'allais dire quelque chose de très important, mais j'ai oublié ce que c'est. Mais ça viendra, inshallah. Ta'ala, astaghfirullah. Non. Non, dans ce hadith, où ils ont dit, est-ce qu'on sort nos épées au gouverneur? Pourquoi? Parce qu'auparavant, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, des cœurs de shayatin dans des corps d'êtres humains. Subhanallah. Imaginez ce qu'il a dit le prophète en parlant des gouverneurs. Des cœurs de shayatin dans quoi? Dans des corps d'humains. Donc, c'est un shaitan, subhanallah, il a un cœur shaitan, seulement son corps, c'est un corps d'humain. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, on tire nos épées, il a dit non, donc il y a la salat. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith 2052, je vais arrêter, inshallah ta'ala, dans ce hadith. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? il a dit Inna salasatan nasarin fi bani Israël. Trois personnes de Ben Israël, autrefois avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au temps de Moussa alayhi sallam, trois personnes. Abras, quelqu'un, yani l'une des trois, avait, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, très difficile à dire, il y avait une fois, je crois, Ourt Salafia l'a dit. Abras, il y avait un Abras. Abras, c'est quelqu'un qui a une maladie de la peau, qui fait de lui que il a des plaques blanches. Ça existe au niveau des doigts, des doigts, des fois sur le visage, des fois dans le cou, etc. El-Mohen. Il y avait une des trois personnes avait ces taches blanches. C'est une maladie, non. La deuxième personne était chauve. La troisième personne était aveugle. La troisième personne était aveugle. Non. Non. On me dit c'est la lèpre, dépigmentation de la peau, dépigmentation de la peau, non, ça, dépigmentation de la peau, donc une personne avait la dépigmentation de la peau, l'autre était chauve et l'autre était aveugle, trois personnes, non, qu'est-ce qui s'est passé avant? Non, je ne crois pas que ce soit la lèpre. Parce que même Ursalafia, quand elle m'a écrit une fois, elle n'a pas écrit la lèpre. Elle a écrit une autre chose. Non. La lèpre, c'est pas la lèpre. Non. La lèpre, c'est la chair qui tombe, subhanallah. On a la chair qui commence à tomber. Subhanallah, la vie. Non. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est des plaques blanches qui sont dans le corps. Les plaques blanches, les organes. C'est pas des organes. Quels organes tombent? Non. Salafia, même toi tu l'as dit une fois, tu me l'as dit mais j'ai oublié. Je crois que tu avais dit la dépigmentation de la peau, si je ne me trompe pas. Tu as dit c'est la dépigmentation de la peau. El-Mohim, vous avez compris, il y a trois personnes. Non. Il y a celui qui a la dépigmentation de la peau, il y a le chauve, il y a la... C'est pour ça que je vous dis quelque chose, c'est pour ça que, yani, si quelqu'un a la dépigmentation de la peau, ce qu'on appelle des traces blanches dans son corps, et si c'est une femme, et un prétendant qui vient, elle doit lui dire, attention, bien son père lui dit, voilà ma fille ou là ma celle-là, elle a beaucoup de taches blanches dans son corps. Parce que c'est l'un des défauts avec lequel l'homme peut rendre la femme chez elle. Non. Après le mariage, il trouve ça, il dit je n'accepte pas la femme. C'est l'un des défauts qui sont acceptés en islam. Cheikh Ibn Uthaymeen Layahmou a dit sauf dans un cas. Dans un cas, il ne peut pas annuler le mariage. C'est quel cas? Il a dit si, lorsqu'il est allé la voir, et elle lui a montré bien sûr son visage et ses mains, il a vu des traces blanches, par exemple dans sa main, ou bien sur ses doigts. Et il n'a pas posé la question, est-ce que tu as ces taches ailleurs ou tu les as seulement sur les doigts et la main? S'il n'a pas posé la question, c'est lui le fautif. S'il dit demain j'annule, on lui dit tu n'annules pas. Parce que tu as vu et tu sais que ces choses-là existent dans toutes les parties du corps, ou la plupart des parties, et toi tu n'as pas demandé et tu n'as pas cherché à comprendre. وبدا لله ان يبتليهم الله عز وجل a voulu éprouver ces trois personnes فبعث اليهم ملكا فاتى الابرص الله تعالى va les éprouver ces trois personnes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un ange sous forme de quoi? Sous forme de personne, bien sûr. Yani personne ne peut connaître, c'est un ange. Plusieurs fois les anges venaient au temps des prophètes et des fois ils venaient sous forme de personne, comme ceux qui sont venus chez Ibrahim alayhi salam. Il a cru que c'était des invités. Il les a fait rentrer. Il leur a demandé à manger. Quand il a vu qu'ils ne mangeaient pas, il a vite compris que c'était des anges. Car les anges ne mangent pas. Sinon, un invité doit manger. au moins dois goûter. Subhanallah al-Azim. Ça fait 2 ou 3 heures que je te prépare et tu ne manges pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il aura préparé? Un veau rôti. Subhanallah, il a pris un de ses veaux, il l'a fait rôtir directement. Je te pose un veau devant toi, masha'Allah, 50 ou la 60 kilos ou la de viande, tu ne veux même pas toucher. Il a compris que c'était des anges. Et comme l'ange qui est venu, comme dans le hadith, dans le Bukhari, qui est venu en Moussa alayhi salam, l'ange de la mort est venu chez Moussa alayhi salam sous forme d'être humain. Et Moussa alayhi salam, dès qu'il l'a vu, il lui a donné un coup de poing dans l'œil. Un coup de poing dans l'œil, il lui a fait yani, sortir son œil. Et Malik al-Mawt, l'ange de la mort, est monté chez Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, tu m'as envoyé à quelqu'un qui ne veut pas mourir. Allah ta'ala lui a rendu son œil. Et il lui a dit, tu descends, tu dois lui dire ceci, cela, vous connaissez l'histoire, elle est dans le Bukhari. Donc des fois, les anges viennent sous forme humaine. Donc, Allah ta'ala a envoyé un ange à ces trois personnes. L'ange étalé a commencé par celui qui a la dépigmentation de la peau. Il a des traces et des plaques blanches dans la peau. Il lui a dit, « Ayyu shay'in ahabbu ilayk ?» Quelle est la chose que tu aimes le plus? Il a dit, il a répondu, « Lawnun hasan ?» Je voudrais avoir une bonne couleur. Couleur de ma peau, je voudrais qu'elle soit pas comme ça blanche. Une bonne couleur. « Wajiddun hasan ?» Une belle peau. Pas une peau comme ça là. Une belle peau. Les gens, yani, ya'afou, c'est-à-dire les gens ne veulent pas s'asseoir avec moi, etc. Les gens s'éloignent de moi, s'enfuient de moi. Hein? Quand on parle, par exemple, on ne s'assoit pas devant quelqu'un, par exemple, qui est sale, quelqu'un qui a une mauvaise odeur, etc. Il a dit, à l'ange, il lui a dit, les gens maintenant, fuient de moi. Donc, je voudrais une belle couleur et je voudrais, si c'était possible, une belle peau. فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ L'ange a essuyé cette personne, subhanallah al-Azim, et cette personne a été guérie, bi'idhnillah, sur le champ. Sur le champ, toutes les plaques blanches sont parties, وَأُعْقِيَ لَوْلِ الْحَسَنُ et il a eu une belle couleur, وَجِدَ الْحَسَنُ et une belle peau, masha'Allah alayhi. Ensuite, l'ange lui a dit, Ayyul mali ahabbu ilayk, quelle est la chose que tu préfères dans les biens? Il a dit, Ibil, je préfère les chameaux. Il lui a donné une belle chamelle enceinte. Enceinte, masha'Allah. Déjà, yani, son fils se trouve à l'intérieur. Naam. Faqala, yubaraku laka fiha. Ensuite, il lui a fait un doua et il est parti. Il est parti chez qui? Il est parti vers le chauve. Il lui a dit, Ayyu shay'in ahabbu ilayk, qu'est-ce que tu voudrais toi? Et en te donnant des choses, qu'est-ce que tu voudrais? Il a dit, Sha'run hasan, je voudrais de beaux cheveux. Wa yadhhabu anni hadha, et que cette chose, yani cette maladie, parte de moi. Qad qadiran innas, les gens, yani, s'éloignent de moi, s'enfuient de moi. Ne m'aiment pas comme ça chauve. Les gens ne m'aiment pas comme ça chauve. Famasahahu, il a essuyé ou là, il lui a essuyé la tête. فذهب il n'est plus devenu chauve واعطي شعرا حسنا et il a eu de beaux cheveux sur sa tête. Ensuite il lui a dit ايو الملح بليك, quels sont les biens que tu préfères? Il lui a dit البقر, j'aime les vaches. فاعطاه بقرة حاملة, il lui a donné une vache enceinte. وقال يبارك لك فيها, et il lui a fait un dua que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse yani, cette vache. Ensuite, il est parti chez l'aveugle. Il lui a dit, « Ayyu shay'in ahabbu ilayka ?» C'est la chose que tu préfères. Il a dit, « Yaruddullahu ilayya basari. » Je voudrais qu'Allah subhanahu wa ta'ala me rende ma vue. Non. Me rende ma vue, pardon. Non. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il lui a dit, je voudrais que Allah subhanahu wa ta'ala me rende ma vue. Fa obsiru bihi an-nas, pour que je vois les gens. Naam. Fa masahahu, il a essuyé. Fa radda Allah basarahu, Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu sa vue. l'aveugle. Qala fayu al-mal ahabbu ilayk, quels sont les biens que tu préfères? Il a dit l'ghanam. J'aime les disons les moutons. J'aime l'ghanam. Fa a'tahu sha'atan walidan. Il lui a donné un mouton, ou féminin, je ne sais pas comment on dit, enceinte. Yani avec un petit dans son ventre. Fa antaja hadha wa walada hadha. Ensuite, le Subhanahu wa Ta'ala a fait la bénédiction sur ces animaux. Le premier a eu un grand troupeau de chameaux. Le deuxième a eu un grand troupeau de vaches. Et le troisième a eu un grand troupeau de moutons. Masha'Allah, masha'Allah. Naam. Thumma innahu ata al-abrasa fi surati wa hayati. Ensuite, l'ange, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu une deuxième fois au chauve. Pardon, pas au chauve. À celui qui avait la dépigmentation de la peau. Il est venu après, bien sûr, des années. Hein, le temps que l'autre est beaucoup dans son troupeau. Lorsqu'il est venu des années après, il a commencé par qui? Par celui qui a des plaques dans sa peau. Il lui a dit, « Rajulun miskin, je suis un pauvre homme, pauvre, je n'ai rien. » J'étais en voyage, je n'ai pas pour continuer le voyage, je n'ai rien. Et aujourd'hui, il n'y a de solution que Allah subhanahu wa ta'ala m'aide, ensuite toi. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasana wal-jidd al-hasana wal-mala ba'iran atablaghu 'alayhi fi safari. Je te demande, subhanallah, regardez ce qu'a dit l'ange, je te demande par celui qui t'a donné, pour lui faire rappeler, je te demande par celui qui t'a donné une belle couleur de la peau et une belle peau, et il t'a donné des chameaux, que tu m'aides pour que je termine mon voyage, pour lui rappeler comment qu'il était auparavant, qu'il n'avait rien. Il a dit, tu demandes par celui qui t'a donné la belle peau, celui qui t'a donné la belle couleur et tous ces chameaux là, que tu m'aides juste pour terminer mon voyage. Faqala, inna al-huquq kathira. Oh, il a dit, hein, j'ai beaucoup de dettes. Oh, j'ai beaucoup, je peux pas. Les gens ont beaucoup de droits, il y en a sur mon argent. Oh, je peux pas. Faqala lahu. Donc l'ange lui a répondu, lui a dit, ka'anni a'rifuka. C'est comme si je te connaissais. Bien sûr, il me connaissait. Il lui dit comme ça exprès. Il lui a dit, c'est comme si je te connaissais. Alam takun abras yaqdiruka an-nas, n'étais-tu pas quelqu'un qui avait des plaques dans son corps et dont les gens s'enfuyaient de lui? N'es-tu pas lui? Fa nam fa a'taka Allah, et tu étais pauvre et Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, n'étais-tu pas celui-là? Fa qad laqad warithtu likabir an kabir. Il a dit non, tout ce qu'il y a devant toi, tu l'as hérité de père en père. Naam, mon père me l'a laissé, et mon père, c'est son grand-père qui lui a laissé ça, et comme ça. Regardez le mensonge, Allah l'a dit. Quand il était pauvre, il a demandé à l'ange de l'aider, etc. Maintenant, quand il a tout, il a oublié. Il a tout oublié, ou il veut se faire oublier. Que lui a répondu alors l'ange? Il lui a dit, « In kunta kadiban, tasayyarak Allah ila ma kunt. » Si tu es un menteur, tu as menti, que Allah Ta'ala te rende à ta première forme. Ils te rendent comme tu étais auparavant, c'est-à-dire avec tes plaques et pauvres, etc. Naam. Wa ata al-aqras. Ensuite, l'ange est allé au celui qui est chauve. Naam. Il est allé chez lui dans une forme d'une personne de chauve. L'ange est allé sous une forme de chauve. Et il lui a dit la même chose. Il lui a dit la même chose. C'est-à-dire, je suis en voyage, etc. Et je n'ai pas d'argent, si tu peux m'aider, etc. Lorsqu'il lui a dit, j'ai beaucoup de dettes et j'ai ceci, et je ne peux pas. Alors l'ange lui a dit, c'est comme si je te connaissais. Je te connaissais. N'étais-tu pas un chauve qui n'avait pas d'argent, etc. Et Allah t'a aidé? Lorsqu'il a dit, non. Tout cela, j'ai reçu, j'ai hérité mes parents et mes grands-parents. L'ange a fait sur lui un doigt. Il lui a dit, si tu es menteur, que Allah te rende comme tu étais auparavant. Ensuite, il est parti chez l'aveugle. Non. Il lui a dit, Rajulun miskin, ou Ibn Sabil. Il lui a dit, quelqu'un de pauvre et un voyageur. تقطعت به الحبال في سفرك لا بلغ اليوم إلا بلا ثم به. Et je n'ai pas de quoi continuer le voyage, يعني ni argent ni provision. Le seul moyen, la seule issue, c'est Allah Ta'ala qui m'aide, ensuite toi. أسألك, je te demande, بالذي رد عليك بصرك, par celui qui t'a rendu ta vue. Je te demande, par celui qui t'a rendu ta vue. شاكل, أتبلغ يوسف, un mouton pour continuer le voyage. Je te demande par qui, pour lui faire rappeler, par celui qui t'a donné la vue, toi qui n'avais pas vu en parenthèse. Je te demande un mouton, seulement un mouton, pour continuer le voyage. Faqala, qu'a dit l'aveugle? Il lui a dit, قد كنت أعمى, j'étais aveugle, j'étais aveugle. فرد الله بصري, Allah Ta'ala m'a rendu ma vue. وفقيرا, j'étais pauvre, j'étais pauvre. Allah Ta'ala m'a enrichi. فخذ ما شئت, prends ce que tu veux, prends ce que tu veux. فوالله لا أحمدك اليوم لشيء أخذته لله. والله, prends tout ce que tu veux, prends-le pour Allah. Jamais je te dis pourquoi tu as pris beaucoup là. Prends 100 moutons, 200, prends ce que tu veux. C'est pour Allah, c'est Allah qui m'a donné la vie. Naam. Et j'étais pauvre, comme tu as dit exactement. Qu'a dit l'ange? Il a dit, Amsik Malak, garde ton argent chez toi, garde ton mouton, garde tes moutons. Naam. Fa'inna mabtulaytum, vous avez été éprouvé. Faqad rabi Allahu anka. Allah Ta'ala t'a agréé. Allah Ta'ala est ravi de toi. Wa sakhita ala sahibik. Et tes deux amis, Allah Ta'ala est en colère contre eux et est courroucé contre eux. Subhanallah al-Azim. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez, quand quelqu'un a des problèmes, a des mashakil, a des maladies, a des choses graves, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui fait des doigts. Ya Allah, donne-moi ceci. Ya Allah, donne-moi cela. Il n'arrête pas. Il pleure. Ya Allah, ya Allah. Dès qu'Allah ta'ala le guérit, ou lui donne ce qu'il voulait, il oublie. Ou bien, il se fait oublier. Subhanallah al-Azim. Et ça, c'est cité beaucoup dans le Coran. Naam. Ça s'appelle aussi Kofr Ni'ma. Kofr Ni'ma. Classe. Maintenant, Allah Ta'ala t'a donné, tu l'as oublié. Auparavant, tu n'arrêtais pas de faire les doigts et de pleurer. Maintenant qu'il t'a guéri, au lieu de remercier Allah Azza wa Jal, tu l'oublies. Subhanallah. Wa kana al-insanu kafura. Subhanallah al-Azim. L'insan, la personne, oublie vite, vite, et fait vite le coffre. Le coffre, yani de la ni'ma. Le coffre des biens. Puis très vite il oublie. Naam. Très vite il oublie. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih, qu'il a dit, ta'arraf ila Allah fi raha, ya'rifka fi shidda. Connais Allah. Connais Allah. Apprends à le connaître. Quand tu es, masha'Allah, quand tu es à l'aise, il te connaîtra quand tu seras dans les problèmes, quand tu seras dans les maladies, quand tu seras dans les machets. Non, ce n'est pas lorsque tu es, masha'Allah, à l'aise, tu oublies Allah. Et dès que tu es dans un problème, tu commences les doigts. Non, hier seulement, tu oublies Allah. Et maintenant, quand c'est la maladie comme ça, tu n'arrives pas à faire les doigts. Alhamdulillah, tu fais des doigts, alhamdulillah, il y en a qui le font même pas. Toi, tu fais des doigts, alhamdulillah. Mais si Allah Azza wa Jal va te guérir, ou là, va te rendre riche après être pauvre, ou là, va t'enlever les problèmes après que tu aies été noyé dans les problèmes, il ne faut pas oublier de remercier beaucoup, beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. De remercier beaucoup Allah Azza wa Jal. Je crois que j'arrête là. Naam, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'arrête inchallah dans ce hadith. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان اصبت فمن الله عز وجل وان اخطات فمن نفسي وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. On se rencontre inchallah ta'ala dans 10 minutes à peu près. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت لا حول ولا قوة إلا بالله. هل فيه صوت؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. On commence sur la ta'ala par la première question. Et posez-moi des questions par rapport à ce que j'ai dit. Barakallahu fikoum. C'est plus important. Il y a des gens qui ont entendu des choses et n'ont pas compris certaines choses. Donc on commence par ceux qui n'ont pas compris des choses ou bien ont des ambiguïtés ou bien trouvent qu'il y a des contradictions, etc. Tfaddal, Inch'Allah. J'attends, Inch'Allah, la première question. Ça y est, c'est dommage, il n'y a aucune question qui vient. Non. Il n'y a aucune question qui vient. Dawa, pose la question. Si tu as une question, pose-la, barakallahu fik, qu'on gagne le temps. Pose. Sinon, je veux. Non. Naam, Elias, jazakallahu khair. Ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai des plans. À chaque fois, je change des personnes. Tu es excusé, Inch'Allah ta'ala. Naam. Ne le fais pas la prochaine fois, c'est tout. Tayyib. C'est à qui la première question? Ma première question, sachant dans un certain pays musulman, durant les périodes de tourisme, interdisent la veine du matin sous prétexte que cela dérange les visiteurs. J'ai lu le livre Cheikh Abay sur Adam, puis vous avez fait un dars sur de l'Adam dans ce livre. Il est dit qu'on peut combattre les gouverneurs qui interdit l'adhan. Non. Est-ce que la question a été terminée? Khlas, non. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salat salam ala ashraf al-mursalin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait conquérir par exemple une ville, il se cachait et attendait. S'il voyait qu'il y avait l'adhan, il laissait. Il dit cela, ce sont des musulmans. S'ils ne font pas l'adhan, ce ne sont pas quoi? Ce ne sont pas des musulmans. Le fait de ne pas faire le adhan seulement dans une période, non, seulement dans une période, est aussi interdit. Et tout c'est interdit, car le Adhan doit être fait, pardon, tous les jours en son heure. Tous les jours en son heure. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, et très bien comprendre, c'est que le fait de pouvoir les combattre, ce n'est pas, ça ne veut pas dire que tu es obligé, si tu n'as pas le viatique nécessaire. Non, tu n'as pas ce qu'il faut. Le hadith ne t'a pas dit que tu vas te jeter sur tu vas sortir et aller le contraire de vainqueur, tu vas sortir perdant de l'affaire. Non, faut bien comprendre entre c'est permis et entre c'est obligé. Entre c'est permis, entre quoi et entre est obligé. Naam. Car pour combattre quelqu'un, il faut avoir quoi? Il faut avoir le nécessaire pour le combattre. Et non pas yani aller comme j'ai dit tout à l'heure avec un couteau ou là avec quoi et dire khlas, je vais faire fin à cette mouchkila bi'idhnillah azza wa jalla. Naam. C'est l'une des conditions nécessaires pour quand on veut faire la guerre à quelqu'un. Maintenant, il reste une autre chose. Lorsque quelqu'un ne fait pas le adhan, on essaye de voir pourquoi. Pourquoi il ne veut pas le faire? S'il dit, je ne reconnais pas cet adhan et je ne le fais pas, ça c'est le genre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam combattait, comme je disais tout à l'heure, où il se cachait. Mais s'il dit, il y a le adhan, etc., mais je ne vais pas le faire à une cause, pardon, à cause d'une chose, à cause d'une certaine chose, là, il faut que la hujja, il faut que la hujja taqoum et qu'on lui apprenne qu'il n'a pas de quoi, il n'a pas d'excuse, bi-idhnillahi azzawajal. اتفضل ان شاء الله prochain سؤال. السلام عليكم ورحمة الله. À part boire et manger, quelles sont vos activités au paradis, inshallah ta'ala, barakallahu fik. Là, Allah y dit bichita, amen. Naam, la meilleure des choses au paradis, c'est de voir Allah azzawajal. La meilleure, il n'y a pas plus que cela. Et qu'Allah azzawajal soit ravi et agréé ceux qui sont au paradis. Agréa pour montrer qu'il n'y a pas un jour où il va être en colère, il va nous faire sortir du paradis. C'est la deuxième chose. La troisième des choses, c'est bien sûr voir le prophète, les prophètes, etc. Ensuite viennent les autres plaisirs, tels que manger et boire et rendre des visites aux gens, rendre des visites aux gens, se marier, non. Yani, tout ce que, Inch'Allah Ta'ala, tu n'as pas eu dans cette vie, tu l'auras là-bas avec seulement un souhait. Tu souhaites la chose que tu voulais dans cette vie que tu n'as pas pu avoir. Pour pauvreté, parce que tu es pauvre, ou là pour impuissance, une fois que tu as de l'argent, tu ne peux pas. Telle chose, elle est interdite. Ce jour-là, Inch'Allah Ta'ala, tu auras tout ce que tu voudras. Tout ce que tu voudras, tu auras. Déjà, le fait de, d'aller visiter ce qu'Allah Ta'ala va te donner au paradis, ça va, yani le temps ne va pas finir. Pour que tu marches, tu visites seulement ce qu'Allah Ta'ala t'a donné comme bien. Les châteaux qu'il t'a donné, les palais, les mers, ceux-ci, les chevaux, les. Tu n'auras pas le temps, yani, pour que tu visites tout cela tellement il y en a. Tellement il y en a, bi-idhnillahi azzawajal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y avait. Il y avait des tentes. Et vous savez, la tente, hein, c'est pas n'importe quelle tente. Les tentes, mashallah, elle est construite, je ne sais pas avec quoi. C'est pas comme les tentes d'ici, yani, après une semaine, elle devient trouée. Naam. Des tentes, mashallah, le prophète Hassan a dit qu'il y avait des tentes au paradis, mashallah, et ces tentes sont tellement grandes, et tellement grandes, et vastes, vastes. De toute façon, ça viendra dans le prochain hadith. Il a dit que, pardon, il a dit que tellement elles sont grandes et vastes que quand quelqu'un rentre à l'intérieur, la famille qu'il a dans chaque coin de la tente ne voit pas les autres. Tellement c'est grand et c'est vaste. C'est une tente seulement. Il y en a ceux qui sont ta femme et tu as ici une femme et des enfants, c'est. Ou, par exemple, dans le coin droit, il voit pas le coin droit. Il voit pas ceux qui sont sa famille, l'autre qui est dans le coin gauche. Et comme ça, tellement c'est vaste, c'est masha'Allah, et c'est. Naam. Yani, le paradis, c'est. Il faut seulement travailler pour ce jour. Naam. Il faut travailler pour ce jour et se préparer. Et ne pas s'éloigner du dîn, s'éloigner de la science, et dormir et. Se remplir de péchés et regretter ce jour-là. Non. Allah subhanahu wa ta'ala n'y a dit yana. Wa n'yulhimana rushdana wa n'yu'inana. Tfadbal la shaykh. Vous savez au point, subhanallah l'adhi, au point où, non. Salam alaikum, souvent les prophétations, nous citons les chiffres dans les 70, 70 000, 70 000, 70 000, 70 000, 600, 700 000. On te dit directement au paradis. Est-ce que ces chiffres, souvent, ce sont réels ou seulement discrétions? Non. Il dit qu'au paradis, il y a dans un hadith sahih, que quelqu'un, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il va demander à Allah? Il va lui dire, je voudrais semer. Subhanallah, c'est un agriculteur. Il va lui dire, je voudrais semer. Allah Ta'ala, subhanallah, qu'est-ce que tu vas semer? Il y a tout ici ce que tu veux. Lui dit, je veux semer. Allah Ta'ala va lui donner des grains, et des grains de, je ne sais pas, de blé, je ne sais pas quoi. Il le jette par terre. Le prophète, a dit, Adam, ce qu'on même où ils sont par terre, ils sortent de la terre, yani, et ils sortent comme ça, comme une montagne. Ils deviennent comme une montagne, mashallah. Et bien sûr, l'autre, ça lui fera beaucoup plaisir. Et Allah Ta'ala lui dira, دونك ابن آدم لا يشبعك شيء دونك ابن آدم لا يشبعك شيء il dit toi ya mon serviteur rien ne te rassasie ma tchbach toi subhanallah je t'ai tout donné dans le paradis et malgré cela tu veux semer mais regardez comme Allah Ta'ala dit dans le Coran que il y a tout ce que tu veux et tout ce que tu souhaites donc même quand tu souhaites semer il te laisse semer il t'apporte même des grains subhanallah pourtant à quoi ça te sert de semer dans le paradis? Est-ce qu'il te manque des choses? Il te manque des fruits? Il te manque de l'argent? Et qu'est-ce qui te manque dans le paradis? Tu veux de l'argent? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux semer? Mais Allah Ta'ala m'a dit, parce qu'il a promis que tu as tout ce que tu souhaites, il te laisse semer. Subhanallah. Les chiffres sont réels. 70 000 sont réels. Comme lorsqu'il a dit que le paradis avait 8 portes. Il a dit que Jahannam avait 7 portes. Naam. Et comme à chaque fois qu'il y a quelque chose de cité, un nombre, c'est réel, bizna azzawajal. Sauf que quand il y a un délit, que le chiffre ici n'est pas voulu. Comme il a dit, il a dit 70 marra, l'istighfar. Ici, c'est pour montrer que même si tu fais beaucoup de l'istighfar, je ne vais pas pardonner au kuffar. Naam. Mais dans les cas où tu viens d'employer ici, ce sont des hadiths dont les chiffres sont réels. Exactement 70 000 rentreront au paradis sans yani, sans châtiment, sans calcul, sans jugement. Et avec chacun des 70, il y aura 70 000. Avec chacun des 70 000, il y aura 70 000 autres. Naam, mashallah. C'est à qui, inshallah ta'ala, le tour. Et maintenant, vous savez même pas c'est qui le tour. C'est à toi, non, je l'ai dit, donc c'est à toi, c'est à l'autre. Celui qui. Dawa Salafia, si tu as des questions, pose-les toutes, une derrière l'autre, pour ne pas faire de temps. Barakallahu fi. Salam alaykoum wa rahmatoullah. Vous savez même pas celui qui doit poser. La hawla wa la quwwata illa billah. Salam alaykoum wa rahmatoullah, cher. Sur presque le même sujet, comment reconnaît-on les groupes qui existent de nos jours qui font partie des 73 sectes ou pour avoir l'offre Nam. Il doit demander la science de Ibn Azzawajal et cela de deux façons. Ou bien, il n'a pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'ilm, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il apprend directement la science de Sunna ou Jama'a. Ou bien, la deuxième méthode, il, en plus de la première, il va apprendre yani, c'est quoi le dogme et c'est quoi la aqida de toutes les autres sectes. Car quand tu connais c'est quoi le aqida et leur minhaj, tu essaies de les éviter. Si tu ne sais pas c'est quoi un mu'tazili, comment on est mu'tazili, c'est quoi un ash'ari, comment on est ash'ari, c'est quoi un jahmi, c'est quoi un karami, tu ne sais pas ça, tu peux être dès lors et tu ne sais pas. C'est pour ça que, référence, yani, on doit apprendre. Apprendre, c'est quoi? C'est le dogme de ces sectes pour les éviter. C'est pour ça que Cheikh l'Islam, rahimahullah, il a triomphé sur tous les grands ulama. Pourquoi? Parce que il connaissait toutes les sectes avec leurs dérives. Toutes les sectes égarées, il connaissait sur quoi elles étaient basées. C'est pour ça qu'il dit, Wallahi, ma min sahib bid'a, illa wa ana a'lamu bi bid'ati minhu, ou min imami. Il dit, Wallahi, il n'y a pas quelqu'un qui est un innovateur sans que j'ai plus de science dans son innovation que son imam, que son maître. Subhanallah l'Azim. Naam, tu veux connaître, t'éloigner des sectes, il faut connaître c'est quoi ces sectes. Donc il faut de la science. Chaque secte l'étudier pour savoir quelles sont ses fautes pour les éviter. Si tu n'as pas ces moyens, au moins apprends seulement le bien et tout ce qui n'est pas bien, ça veut dire c'est le mal. Naam. Apprends Minhaj al-Sunna directement et yani, tu, tout ce qui contradit cela, tu t'éloignes de lui. Allahu ta'ala alam. Aïe. Prochaine question, inshallah. Salam alaikum. Dawa Salafia, pourquoi tu réécris cela? On vient de le lire. Si le mariage temporaire existe en islam, quel est le verset du hadith? Si le mariage temporaire existait en islam, quel est le hadith ou le verset qui l'a abrogé? Non, premièrement, la question n'est pas avec le sujet. Premièrement, la question n'est pas avec le sujet. Deuxièmement, ceux qui disent que le mariage temporaire existe, ce sont les chiites, bien sûr. Ce sont les chiites. Ils disent le mariage temporaire existe et est valable. Alors que, pour montrer la contradiction des chiites, et comment qu'ils se contredisent, pour la montrer, les chiites qui disent que on ne prend des hadiths que s'ils sont de Ahl Bayt. On prend le hadith s'il est de Ali, Hassan, Hussein, Ja'far, comme ça. Sinon, on ne prend pas le hadith. Alors on leur dit, pourquoi ne prenez-vous pas le hadith de Ali, radiallahu ta'ala anhu, dans le Sahih Bukhari, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abrogé le mariage temporaire. Pourquoi ici vous faites le kof de ce hadith? Vous dites non, on ne croit pas à ce hadith. Pourtant, il est de Ali radiallahu anhu. C'est Ali qui a dit que le prophète Yom al-Fath, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abrogé. Il a dit attention, il n'y a plus de mariage temporaire. Je l'ai fait passer pour des raisons quelque temps, maintenant il n'y a plus de mariage temporaire, c'est abrogé. Le hadith est dans le Bukhari, subhanallah. Mais les chiites suivent leur passion et leur tentation. Ils disent non, ce hadith moi je ne le prends pas, malgré les deux Ali, moi je suis Ali quand ça me convient. Ali ibn Abi Talib, je le suis quand il me raconte des choses qui me conviennent. Quand il est maintenant contre le mariage temporaire et des choses comme ça, je ne prends pas de lui. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Naam, prochaine question, inshallah. Cheikh a dit la première chose sur laquelle on sera interrogé en salat, pendant qu'il y a une fourchette d'horaire pour salat, est-ce qu'on peut prier une demi-heure après la donne, surtout pour Al-Fajr? Quand on prie une demi-heure avant le Fajr, et qui préfère de le prier juste avant l'heure. 72 sectes sont voués au feu, et au paradis. Soit veut-il dire que tous ceux qui étaient dans les sectes iront en enfer, et tous les ahles sont au paradis, barakallahu fik. Parole, Inch'Allah. Jazakallahu khair. Naam, pour la prière, pour celles par exemple qui, les femmes là, qui sont à la maison, ou bien celui qui va faire la prière à la maison parce qu'il est loin de la mosquée ou là, il n'est pas obligé de la faire juste à la adhan. Il peut attendre par exemple jusqu'à une demi-heure, c'est possible, naam. Mais, pas par exemple salat al-maghrib. Salat al-maghrib, on ne doit pas beaucoup attendre. Naam, 5 minutes, 10 minutes après le adhan, et on fait le maghrib. Maximum un quart d'heure. Car, si ça devient sombre et l'obscurité dans la rue, il n'y a plus la rougeur, classe, ça veut dire le maghrib, son heure est sortie. Naam. Et pour le fajr, on peut le faire une demi-heure après le adhan. Naam. Après le adhan, le deuxième adhan, on attend une demi-heure et on fait le fajr. On fait sobh, je veux dire. Et 10 minutes avant, ou les 5 minutes, on fait salat al-fajr. On lit qu'il y a eu le kafirun, qu'il y a eu Allahu ahad. Et on attend 5 minutes encore, comme ça va faire une demi-heure. Et on fait, inshallah, salat subh. Naam. Mais on ne peut pas faire salat al-fajr, il a dit ici, une demi-heure avant le fajr. On ne peut pas prier une demi-heure avant le fajr. Je ne peux pas faire le fajr avant son heure. Naam. Tfaddal, inshallah. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Naam, pour les sectes qui sont voués au feu du paradis, cela veut-il dire tous les sectes qui vont en enfer? Naam. 72 sectes iront en enfer. Et comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, les 72 sectes qui iront en enfer, ça ne veut pas dire qu'ils iront en enfer éternellement. Sauf celui qui a dit des choses ou fait des choses qui se contrarient vraiment avec l'islam et qui n'a pas d'excuse. Celui-là, il ira éternellement. Mais beaucoup d'eux sortiront. Ils étaient des croyants, mais ils avaient des fautes, beaucoup de fautes. Et les fautes, ce sont les péchés, bien sûr, dans la aqida, etc. Des innovations dans la aqida. Ils rentreront en enfer et ensuite iront au paradis, bi'idna azzawajal, à part ceux qui ont fait le coffre parmi eux. Naam, les bid'a de Mukaffira. Naam. Et ça veut dire, est-ce que Al-Sunnah al-Jama'a iront tous au paradis? Al-Sunnah al-Jama'a iront tous au paradis. Ça ne veut pas dire qu'ils iront directement au paradis. Il y en a deux qui vont aller en enfer d'abord, ensuite en paradis. Naam. Il y a des gens auxquels Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, n'excusera pas certains péchés. Ceux-là, ils commenceront par par l'enfer, et ensuite, ils iront au paradis bi'idhnillah azza wa jalla. Naam. Allahu ta'ala alam. Tafaddal, inshallah. Une seconde, Inch'Allah. Une seconde, Ibn Azzaouj. Salam alaikum. Nous qui vivons dans les pays de Kofar, quel comportement devons-nous avoir alors que nos gouverneurs qui ne prient pas et qui ont des cœurs de shaitan dans les corps humains, ils bafouent les lois d'Allah? Je n'ai pas compris. Il parle des gouverneurs des Kofar, bien sûr. Il parle des gouverneurs des Kofar. Est-ce que c'est ça la question? Est-ce qu'il parle des gouverneurs de Kofar? Nous qui vivons dans les pays de Kofar, quel comportement devons-nous avoir alors que nos gouverneurs qui ne prient pas et ont des cœurs de shaitan dans les corps humains et bafouent les lois d'Allah? Naam. Le kafir, l'islam t'a demandé de ne pas vivre dans son pays. L'islam t'a demandé de ne pas vivre dans son pays. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque yani vit avec eux, je me désavoue de lui. Naam, yani je me désengage de lui. Pour avoir vécu au milieu des kofars et ne pas avoir essayé de quitter le pays, de faire la hijra. Celui-là, s'il meurt, c'est grave pour lui. Sauf s'il avait l'intention dans le cœur de sortir et que il est mort avant de sortir. Il n'a pas eu l'argent nécessaire pour sortir, et comme ça. Ou là, il a une excuse. Hein? Il fait des études, ou là, des choses comme ça, et il avait l'intention de quitter le pays un jour. Al-Muhim. C'est la première des choses. La première des choses, c'est que on doit faire tout notre possible pour ne pas rester avec les kofars. Deuxièmement, le fait que tu sois dans un pays de kofar, le fait que quelqu'un aille dans un pays de kofar, le kafir, il y a des groupes, il y a des sortes. Il y a le kafir al-harbi, et il y a le kafir al-musalim, il y a le kafir al-mu'ahad, il y a le kafir al-dhimmi, il y a le kafir al-musta'man. Il ne faut pas tout mélanger à la fois. Il faut avoir, Inch'Allah ta'ala, assez de science et de sagesse pour différencier entre les kuffars. Qui c'est ce kafir et de quelle sorte il est. Voyez. Regardez, lorsque Allah ta'ala dit dans le Coran, « La yinhaakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allah yuhibbul muqsitin. » Pourquoi Allah ta'ala ici a parlé de kuffars et il a dit « Je vous interdis pas. » Tant qu'ils ne vous font pas la guerre, ils ne vous font pas sortir de votre pays, je ne vous interdis pas de si vous bien comportez avec eux et de toqset. Inna Allah yuhib al-muqsit, et d'être juste avec eux. Allah Ta'ala aime ceux qui sont justes. Donc il y a les kuffars qui me font la guerre, et il y a le kuffar et il y a le kafir avec qui j'ai des pactes. J'ai fait un pacte, comme a fait le prophète Islam, par exemple, au Hudaybiyah, que 10 années, il ne va pas y avoir de guerre. Si jamais je fais un pacte avec un kafir, un pacte, ensuite, pendant ce pacte, il devient traître, si je fais quelque chose, je tue le kafir, ou là je lui fais une bombe, ou là, ça veut dire que j'ai quoi? J'ai trahi Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Pourquoi? Parce qu'il y a un pacte entre nous. Il y a un pacte, Allah ta'ala, il dit, awfu bil uqud, Allah ta'ala aime que quelqu'un, yani, que quelqu'un, comment qu'il dit ça, yani, difficile à dire en français, le muhim, ne transgresse pas le pacte. On ne cesse pas le pas. Naam. Maintenant, quand quelqu'un, par exemple, tu rentres dans son pays, il te met le cachet sur ton passeport pour rentrer. Dans la douane, la PAF, la police te met un cachet. Ou bien il te donne un visa pour rentrer dans ce pays. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il saute. طيب طعام الله واش جيتي اكزاكتومون واش جو بارلي دو كوا واش جيتي اكزاكتومون واش جي بارلي دو فيزا واش جي بارلي دو فيزا نعم كون مينتونون كيلكان كافر مي دون ان فيزا اي مي مي لو طومبون سور لو باسبور صافي دي كوا صافي دي جي في ان اكت باردون ان باكت افيك لوي كو كوا كو جالي رونتري دون سون بيي اي كو بيان سور je n'arrive pas à faire de problème. Je ne vais pas rentrer dans ton pays pour faire des bombes. Même si tu es un kafir. Pourquoi? Parce que j'ai fait un pacte avec toi pour que tu me laisses rentrer. Et toi, tu m'as laissé rentrer parce que tu as cru que yani, je n'allais rien faire. Sinon, jamais, tu m'aurais donné le visa et le tampon. Tu m'aurais pris de l'aéroport directement vers la prison. Tu m'as laissé rentrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il faut que je respecte. Non. Et le kafir, il y a aussi celui qui donne la jizya. Ça s'appelle dhimmi. Un kafir qui vit avec toi dans un pays musulman, sous la protection des musulmans. Et chaque année, il donne une certaine somme d'argent pour être protégé s'il se passe quelque chose. C'est le gouverneur musulman qui le protège. Celui-là, si jamais quelqu'un le tue, le prophète Al-Islam a dit, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Ensuite, il y a le kafir musta'man. C'est quoi le kafir musta'man? Des fois, par exemple, on est en guerre avec quelqu'un, avec un pays. Supposons qu'on soit en guerre avec un pays. Et une personne, ou là, un groupe là, de ce pays, viennent, par exemple, dans mon pays, moi qui suis musulman, vient spécialement chez moi, dans ma maison. Ce sont mes parents, ou là j'ai besoin d'eux, ou là c'est un médecin qui va venir, ou là, ça s'appelle Musta'min. Celui-là, si jamais quelqu'un le tue, il ne sentira pas l'odeur du paradis, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et ces gens-là, et ces gens-là, quand on a un pacte avec des gens pareils, si jamais, tu te trompes, c'est tout, et tu tues un kafir avec lequel tu avais un pacte, et tu le tues, celui-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois verser la diya, ce qu'on appelle. Ça s'appelle la diya. Tu dois verser la diya. Et tu dois affranchir un esclave. Tu dois donner l'argent à ses parents, un kafir, et donner et affranchir un esclave. Et quoi le délit? Sort Nisa. Lorsque Allah Ta'ala a dit dans le Coran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ وَدِيَةُ الْمُسْلِمَةِ إِلَى أَهْلِهِ إلا من صدقوا. Ensuite il a dit فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. S'il est un groupe d'ennemis et il est croyant, il se peut qu'il soit croyant, il soit avec les ennemis, possible. Il a dit si tu le tues, فتحرير رقبة المؤمنة, tu as franchi un esclave, tu as franchi un esclave. وإن كان, voilà maintenant ce qui a rapport avec le dars, وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. Mais si c'est une personne avec laquelle vous aviez un pacte, c'est-à-dire un kafir, et tu l'as tué, diyatun musallamatun ila ahlihi, tu dois donner la rançon à sa famille. Wa tahriru raqabatin mu'mina, et affranchir un esclave. Faman lam yajid, si tu ne peux pas, fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana 'aliman hakima, tu dois faire deux mois de siyam pour avoir tué un kafir avec lequel tu avais fait un pacte. Allahu Akbar. Naam. Beaucoup de gens ne font pas la différence. Pour eux, le kafir, c'est le kafir. Ils sont tous égaux. Celui qui fait la guerre, celui qui ne fait pas. Celui qui donne chaque année la rançon, celui qui ne donne pas. Le musta'min et pas le musta'min. Et comme ça, ils ne font pas de différence entre les kuffars. Ils disent tout, tous les kuffars sont les mêmes. Tous leurs biens sont valables pour les musulmans. Donc, ils les volent, ils les tuent et ils se remplissent de péchés sans qu'ils le sachent. Non. Fadal Inch'Allah, prochain soir. Non. Fait. Une seconde, Inch'Allah, avant de répondre à la question. Inch'Allah, ta'ala. Une seconde. Une seconde du Ibn Atalas pour quelque chose qui a un rapport avec la salle du Ibn Atalas. Je disais que, salam alaikum, vous avez dit il y a plusieurs degrés au paradis. Celui qui est dans un degré intérieur peut demander à Allah de lui accorder le degré supérieur. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Ce sont des degrés d'après ce que tu as fait dans cette vie, bi'illah azza wa jal. Et, inshallah ta'ala, que cette idée et ce souhait ne te passera même pas par l'esprit, ni dans le cœur. Pourquoi? Car un verset dit que tout ce qui te passe par l'esprit, tout ce que tu souhaites, Allah Ta'ala te donne. Donc, s'il ne veut pas te donner une chose pareille, il ne te fait pas passer l'idée à jamais dans ta tête. Ça ne te vient jamais dans la tête de dire je vais demander à Allah de me élever au rang supérieur. Non, je n'ai jamais entendu qu'on pouvait demander cette chose à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ensuite, si Allah Ta'ala allait faire élever tout le monde, il n'y aura plus de différence entre ceux qui ont, mashallah, beaucoup de sincérité, c'est-à-dire dans cette vie, ont fait beaucoup d'actions, et entre ceux qui étaient dans le niveau bas. Non, il ne va pas y avoir de différence entre moi et qui, et Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu. Je vais demander à Allah de m'élever supérieur, ensuite supérieur, jusqu'à ce que je les atteigne. Donc il n'y aura pas de différence entre moi et Omar ibn al-Khattab et Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Et ça, c'est inconcevable bi'idhni Allah azza wa jal. Naam. Tafaddal inchallah, prochain sou'al. Dawa Salafia, écrit plus grand inchallah, écrit plus grand. Non, écrit un peu plus grand. Salam alaikum, vous avez cité un hadith qui parle des hurs au paradis. Ma femme me demande est-ce que les musulmans qui accéderont au paradis sont meilleurs que les hurs? Allah y chafi. Amin jazakallahu khair. Naam, ta femme a raison. Elle a raison. Les femmes musulmanes seront plus belles que Hurlain. Car Hurlain, elles ont été créées spécialement pour le paradis. Elles n'ont rien fait. Ni salat, ni zakat, ni prière de la nuit, ni jeûne, ni rien. Non. Et, pour que vous sachiez, de nos jours, maintenant je suis en train de vous parler, elles sont déjà présentes dans le paradis. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand un homme, sa femme, lui fait des problèmes sur terre, celle qui est en haut, la Hulain, dit, elle dit à cette femme, yani, en ce sens, elle dit en ce sens, yani, elle lui dit, il va pas, Inch'Allah, rester longtemps, il va monter chez nous, il va venir chez nous. Arrête, arrête tes problèmes, il va pas rester longtemps, il va monter chez nous. Attention donc, elles veulent, yani, donc faites bien attention à vos maris, faites bien attention à vos époux et ne leur faites pas beaucoup de soucis. Déjà celles qui sont hauts, elles les demandent. Donc c'est comme a dit la sœur, Inch'Allah ta'ala. Si Inch'Allah une autre question. La hawla wa la quwwata illa billah. N'oubliez pas qu'au paradis, il n'y a pas de célibataire. Il n'y a pas de célibataire. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la aziba il jannah. Il n'y a pas de célibataire au paradis. Assalamu alaikum. Vous avez cité un hadith qui parle du problème, ma famille. Bon, voilà. Au paradis, que deviennent les enfants qui sont morts avant la puberté? Barakallahu fi. Inch'Allah ta'ala. Tous les enfants qui sont morts avant la puberté iront au paradis. Même si ce sont les enfants des juifs, des chrétiens, des mouchriquins et de Abu Jahl et des autres. Tous les enfants qui meurent avant la puberté iront au paradis. Le hadith est dans le Bukhari où le prophète alayhi sallam a dit que Ibrahim alayhi sallam apprenait aux enfants le Coran, ceux qui n'étaient pas encore pubères, et ils ont demandé et les enfants des kofars, et il a dit et les enfants des kofars. Le Cheikh Al-Albani Rahmo a authentifié un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Auladul Mushrikina Khadamu Ahlil Jannah. Les enfants des mushrikines, des associateurs, seront les serviteurs du gens du paradis. Naam. Allah Ta'ala les fera entrer au paradis et il fera d'eux des serviteurs. Et quelqu'un qui est serviteur au paradis, bien sûr, c'est déjà quelque chose, mais ce n'est pas facile. Rentrer au paradis, c'est déjà difficile. Alors, rentrer et être, mashallah, serviteur là-bas, c'est pas donné à tout le monde. Donc, ça, c'est la justice d'Allah Azza wa Jalla. Quelqu'un qui n'est pas pubère, il n'a pas fait de faute. S'il n'a pas fait de faute, pourquoi ira-t-il en enfer? Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala, c'est la vie, inshallah ta'ala, le plus juste. Car les ulama ont beaucoup diversifié et divergé sur cette chose. Inshallah, c'est la vie le plus juste. Que Cheikh Al-Albani a dit l'arjah. Il a dit c'est l'arjah. Naam. Tafadhal, Inch'Allah. Salam alaikum. J'ai entendu dans un dars qui était fou de dire qu'il y a des sectes sunnites. Soit on est sunni, soit on n'est pas. Est-ce correct? Un frère de moi qui veut travailler au noir, sachant qu'il a déjà un travail. Voilà. Naam. Et yes, la deuxième question n'a pas rapport avec le dars. J'ai entendu dans un dars qu'il était faux de dire qu'il y a des sectes sunnites. Soit on est sunnite. Non, on ne peut pas dire qu'il y a des sectes sunnites. On peut dire qu'il y a une secte qui s'appelle Yani Jama'a, un sunnah Jama'a. Certains se permettent de dire une secte, certains ne disent pas que c'est une secte. Ils disent que c'est un groupe, le groupe sauvé, etc. Et moi j'ai lu dans certains livres les grands ulama qui disent firqa ou firqa al-najiyya. Non, mais j'ai lu même dans quelques livres en français bien traduit qui disent la secte des groupes sauvés. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais il y a une seule, on n'a pas beaucoup. Non, on n'a pas, il n'y en a pas deux ou trois, il y a une seule. Ou bien tu es cette secte, mashallah, ou bien tu fais partie des autres. Non, c'est comme tu as entendu dans le DAF qu'il a dit comme je viens de dire. Un frère de moi qui peut travailler au noir sachant qu'il a déjà un travail. Pour la réponse, je ne sais pas. Non, je ne sais pas s'il peut travailler au noir. Il me semble qu'il ne peut pas. S'il y a un pacte entre toi Et le kafir, que tu ne travailles pas, tu ne travailles pas. Sauf si vraiment tu trouves que tu es dans le besoin, tu n'as pas de quoi manger, etc. Tu ne vas pas yani, demander au kafir de donner à manger. Et tu vas te débrouiller pour faire rentrer yani, l'argent pour sortir du besoin bi'idhnillah azza wa jalla. Connaissez-vous un chef qui s'appelle Shaytaniya? Et c'est lui à quoi appelle cette secte. Et elle est considérée comme musulmane, car dans Sharh Usul Thalatha de Mohammed Laman, on parle de ça. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a cette secte, et que cette secte adore le shaitan. Je sais, même ici où je suis, il y a quelques éléments de cette secte. Non, rare, mais il existe. C'est une secte qui adore le shaitan. Hein? Ils attendent que lorsque le soleil se lève, etc., et ils tendent les mains vers le soleil, ils commencent à faire des doigts et des prières. Pas pour le soleil, mais pour le shaitan qui porte le soleil, ou le qui veut nous montrer qu'il porte le soleil entre ses deux cornes. Et la même chose quand le soleil se couche. Et ils disent quoi? Cette secte, c'est quoi son dogme? Vous savez qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, on voudrait défendre l'injustice du shaitan. C'est pas le shaitan qui est injuste. C'est-à-dire que les gens ont été injustes envers le shaitan. Ils ont dit, toute chose c'est la faute du shaitan. C'est lui qui nous a poussés, c'est lui ceci, c'est lui cela. Alors que le shaitan, c'est un miskin. On va le défendre nous. On va défendre le shaitan. Regardez, subhanallah ta'ala, où l'égarement peut te mener. Regardez, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse vos cœurs et nos cœurs. Regardez le shaitan comment il fait des gens. Pourquoi? Je te dis pourquoi miskin le shaitan. Il n'a pas yani. Ça vous plaît, mais je t'en rajoute. Non. Le shaitan miskin, il ne fait pas. Comment? Yani. Fait pas de la peine. Hein? Fait pas de la peine. Viens, on va faire une secte et on va le défendre. On va le défendre. Et comme ça, ils envoient des cartes là pour faire intégrer des gens dans leur secte. C'est la secte la plus habitée à ce que je sache. C'est la secte, il n'y a pas plus crime que cela. Pas plus crime que l'ennemi d'Allah, le premier ennemi, tu le rends ton allié. Est-ce qu'il y a plus grand que cela? Subhanallah. L'ennemi d'Allah, le premier ennemi d'Allah, des prophètes et de nous. Tu vas le prendre allié et lui faire des doigts, etc. Je crois, Allah Ta'ala alam, je crois, que ces gens-là, leur supplice demain sera plus grand que celui du shaitan. Non, sera plus grand que celui du shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ta'ala al-afiyah. Non, c'est à qui le tour, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Vous avez dit que la maladie touche le musulman pour relever la personne en degré. Mais l'épreuve qui touche les musulmans, soit c'est pour le punir, soit c'est pour lui faire ses péchés. C'est pour élever les degrés, c'est exact. Islam a dit, n'a pas. Cette personne ne m'a pas bien compris, pourtant j'ai expliqué tout à l'heure. Si quelqu'un a la cassette, il a fait retourner marche arrière, il m'entendra dire que si la personne était perverse, la personne qui désobéit à Allah et ceci, cela, et Allah Ta'ala lui donne une maladie, et pour la punir. Et si cette personne est pieuse, masha'Allah, siyam, nafila, ceci, cela, et Allah Ta'ala lui donne la maladie, c'est parce qu'il aime et veut l'élever en degré. Voilà la différence avec laquelle vous devez marcher. Là, puis masha'Allah, la prière, à la mosquée, le siyam, masha'Allah, les umrah, tu as peur d'Allah, si, et tu es dans cette maladie, la qadar Allah. C'est-à-dire qu'il t'a aimé, il veut t'élever en degré et t'expier tes péchés. Et si tu es loin du dîn et tu ne fais pas la prière, etc., ça veut dire qu'il te punit et te châtie pour que tu médites sur ce qui t'arrive et tu regrettes et que tu fasses le repentir bi'idhnillahi azza wa jalla. والله تعالى أعلم. نعم خش السؤال إن شاء الله. Je n'ai plus de questions, c'est hors sujet. Laisse-les hors sujet, Inch'Allah. Laisse-les. Il n'y a plus de questions. on va inchallah arrêter, il est hors sujet, on les fera inchallah demain, après-demain, directement question libre. Salamu alaikum, vous avez dit un hadith qui parle de Abi Talib, l'oncle du prophète, alayhi qui aura un châtiment plus faible, ça, en ayant les chaussures de l'enfer, ça. Est-ce que les chiites disent qu'il sera au paradis, puisqu'il est de un bait, l'aïchadé? Non, les chiites disent le contraire de ce que disent les musulmans. Les chiites, c'est la secte la plus éloignée du din et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les rawafid disent que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort musulman. Non, ils disent il a fait la shahada. Et ils contredisent le verset qui dit que non, il n'a pas fait la shahada. Et ils ne croient pas au hadith du Bukhari et l'autre qui dit que il sera au paradis avec, en enfer avec des chaussures de l'enfer. Ils disent non, on ne reconnaît pas ce hadith. Donc, ils ont fait du kafir quoi? Ils ont fait du kafir un mu'min. Ils ont dit non, celui-là, il est mu'min. Et ils ont fait des musulmans, ils ont fait du kafir un musulman, et ils font des musulmans des kuffars. Et Abu Bakr, et Omar, et Uthman, et les sahaba sont des kuffars. Subhanallah. Vous avez vu plus contradictoire que cela? Le kafir est devenu un musulman, et les vrais musulmans, les sahaba, les pieux, sont devenus des kuffars. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne nous égare pas et qu'il nous montre la vérité, vérité. Non, car cela voit quoi? Voit l'égarement comme vérité. Imaginez au point haut, celui qui a tué Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, al-Farouq, Omar ibn al-Khattab, sur lequel le prophète alayhi sallam a dit dans un hadith sahih, authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih Tirmidhi. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, s'il y avait un prophète après moi, ce serait Omar ibn al-Khattab. Allahu Akbar. S'il y avait un messager après moi, ce serait Omar ibn al-Khattab. Allahu Akbar. Celui qui a tué Omar ibn al-Khattab est un majoussi. Quelqu'un qui adore le feu. Il est sorti du rang, dans la tsobh, et il a poignardé combien de coups de poignard? Il est tombé mort, Omar Bukhta. Celui-là, ce majoussi, les rawafid font des doigts pour cette personne, pour ce kharabit, ce shaitan. Et ils disent, Ya Allah, fais-nous rentrer, yani, fais-nous demain ressusciter avec ce Ibn Moul, avec ce kharabit, ce majoussi. J'ai même oublié comment il s'appelle. Non. Et en Iran, ils ont construit quelque chose comme ça, comme une grande tombe, spécialement où ils écrivent son nom. Ils l'appellent Abu Shuja, ah, le père de quoi? De la, comment on dit quelqu'un Shuja? Quelqu'un yani, qui est téméraire, quelqu'un qui n'a pas peur, courageux. Allah, quelqu'un qui est le père des courageux. Pourquoi? Pour avoir tué Omar ibn al-Khattab. Et ils disent de lui, ils disent cette personne, alayhi salam, subhanallah al-azim, Abu Lu'lua, je me rappelle maintenant, il s'appelle Abu Lu'lua. Ils disent de lui, alayhi salam, pourquoi alayhi salam? Parce qu'il a tué Omar ibn al-Khattab. Allahu akbar, ya a'da al-sunnah, ya a'da Allah, a'da al-sunnah. Comment je vous appelle moi? A'da Allah, a'da al-sunnah, a'da al-sahaba. Les ennemis des sahaba, les ennemis de la sunna, les ennemis d'Allah. Non, les compagnons sont des kuffars. Et le kafir, celui qui adore le feu qui a tué Omar, on dit alayhi salam, alayhi salam. Non, Abu Lu'lu'a alayhi salam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala en cette nuit, qu'il fasse ressusciter tous les rawafid avec ce Abu Lu'lu'a à Jahannam. Non. Et ils verront qu'est-ce que ça veut dire faire des doigts pour être avec Abu Lu'lu'a. Non. Khaliyam, laissez-les faire des doigts. Nous on dit Amin, c'est tout. Amin. Non, Amin. Fadal, Inch'Allah, les dernières 20 minutes. Fadal. Allah, il va faire dire, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Mais cela ne veut pas dire forcément que ces créatures l'adoreront. Non, car l'homme a accepté le dépôt de confiance, c'est-à-dire la liberté de choix. De savoir si cette liberté de choix a été choisie après la création d'Adam ou bien avant. Barakallahu fikoum. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé Adam, yani, tous les êtres humains, il nous a fait choisir. Naam. Il a dit dans le Coran, naam. Il a dit aussi, imma shakiran wa imma kafura. Ou bien, quelqu'un qui remercie ça, ou bien quelqu'un qui est kafur, qui avec le coffre, qui ne reconnaît pas. Donc, toute personne, bi'idna azzawajal, a la liberté du choix. Naam. Toute personne a la liberté du choix. D'ailleurs, Allah Ta'ala n'aime pas que tu l'adores en étant engêné. Il veut que tu l'adores de toi-même. Que ce soit toi qui choisisses, qui décides et qui dises, je vais adorer Allah Ta'ala avec mon propre gré. Pas, vous me faites venir avec des chaînes et tu me mets un revolver sur la tête, tu me dis, tu rentres en islam, obligé. Ça ne marche pas. Et ça n'est pas accepté par Allah Ta'ala. Allah Ta'ala veut que ce soit toi qui l'aime et qui vienne vers lui. Donc ce choix, comme vous avez dit, cette liberté de choix, je sais que toute personne là et qu'elle a été après Adam alayhi salam. Naam. Et toute personne est libre de choisir. Si elle choisit le bon chemin, c'est le paradis, c'est le paradis. Si elle choisit le faux chemin, le mauvais, c'est l'enfer, et qu'elle ne se plaigne qu'à elle-même. Elle se plaint d'elle-même, c'est tout. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Si c'est ça, si j'ai bien compris la question. طيب تفضل شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعبد الله guérison. آمين. Si les hommes ont pour exposer pour lui, quelle récompense équivalente pour les femmes. Naam. Certains ulamas, entre autres, Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Certains ulamas, entre autres, Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou, a dit que c'est possible et ce n'est pas étonnant que Allah Ta'ala donne pour la femme aussi plusieurs hommes. Pourquoi? Parce que là, c'est le paradis, toutes les choses vont changer, ce n'est pas la même chose. Si au paradis, une femme voudrait qu'elle ait 3, 4, 5 hommes, elle est libre. Allah Ta'ala lui donnera ce qu'elle a souhaité. Et puisqu'il n'y a pas d'enfant, etc., ça risque de ne pas faire de problème. Ensuite, mieux que cela, Allah Ta'ala enlève la jalousie. Au paradis, il n'y a pas la jalousie. Non, il n'y a pas la jalousie. Comme on a vu le compagnon tout à l'heure qui a trouvé sa femme devant la porte, il a divorcé. Non. Dans le paradis de Allah Ta'ala, enlève la jalousie et la haine et toutes ces choses qui sont mauvaises. Comme il a dit dans le Coran, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى صُرُورِ الْمُتَقَابِلِينَ. Et on a enlevé ce qu'il y a dans leur cœur, de mauvais, et les voilà certes sur des fauteuils en train de se regarder, d'être en face. Non, on a enlevé ce qu'ils ont dans leur cœur. Donc, si une femme veut des hommes, Allah Ta'ala lui donnera, et aucun des hommes ne sera jaloux de l'autre. Ou bien, aucun des hommes ne saura. Même s'il sait, il ne peut pas être jaloux. Il n'y a pas la jalousie dans quoi? Dans le paradis. Allah Ta'ala aura oublié la personne et lui donnera beaucoup, beaucoup d'autres choses à cet homme pour qu'il ne pense pas à sa femme. Est-ce qu'elle a un homme ou elle n'a pas? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais il y a une solution. Naam. C'est ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhamou. Naam. Assalamu alaykum. Je voudrais savoir qu'est-ce que la secte Tijani et est-ce qu'ils suivent Tawhid ou une forme de trinité comme les Kofar? Naam. Donnez-moi seulement une seconde, inshallah ta'ala, je reviens. Assalamu alaykum. Salam alaykoum wa rahmatullah. Est-ce qu'il y a le son, inshallah ta'ala? Est-ce qu'il y a le son? طيب la Tijaniya c'est une secte. La Tijaniya, il a dit c'est quoi la Tijaniya? Je veux savoir ce que c'est la secte Tijani. Non, ça s'appelle Tijani, Tijaniya. C'est l'une des sectes les plus égarées. C'est l'une des sectes les plus égarées. Elle a, cette secte, beaucoup d'innovation et de shirk. De shirk dans son dogme. Ils adorent les tombes et ils adorent leur chef Tijani, ensuite ses enfants, ils l'adorent, hein, lui embrassent les mains, les pieds, ne font pas la salat avant de l'invoquer, etc. Ils l'adorent comme on adore Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billah. Là, c'est l'une des sectes les plus égarées, wal'iyadu billah. Il y en a beaucoup, beaucoup, et c'est l'une des plus égarées, wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala, nu'afiyana. Ils ont de grandes, grandes bid'ah dans leur minhaj et dans leur aqida. C'est l'une des sectes la plus loin, qui est la plus éloignée de Al-Sunna ou Jama'a et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah ta'ala l'afiyah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. Naam. Tayyib. On est inshallah ta'ala aux dernières 10 minutes. Salam alaikum. Qu'est-ce que le maturidiya pour un sunna ou jama'a shir? Allah yashafik. Amin. Un maturidiya ne sont pas de un sunna ou jama'a. Naam. Un maturidiya ne sont pas de un sunna ou jama'a. Naam. Ils sont beaucoup plus près de l'asha'ira. Beaucoup plus près de l'asha'ira. Et c'est beaucoup les ahnaf qui les suivent. Et ils ont beaucoup de divergences avec Al-Sunna ou Jama'a, surtout dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans beaucoup d'autres choses. Ils sont très loin bi'idhnillah ta'ala de Al-Sunna ou Jama'a. Naam. Quoique, bien sûr, ils ont des choses qui ressemblent à Al-Sunna ou Jama'a, comme toutes les sectes, même les sectes égarées, toutes ont des choses qui ressemblent à Al-Sunna ou Jama'a. Mais n'empêche que, comme j'ai dit, ils ont beaucoup d'innovations dans la aqida. Non. La femme qui a accompli ses 5 piliers obéit à son mari, mais dont le mari n'est pas satisfait pour certaines raisons valables, entrera-t-elle au paradis? La femme qui a accompli 5 piliers obéit à son mari, mais dont le mari n'est pas satisfait pour certaines raisons valables, on rentrera-t-elle au paradis? Naam, je n'ai pas compris pourquoi il n'est pas satisfait pour certaines raisons valables. S'il n'est pas satisfait parce que la femme fait des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a interdites, ou bien que son mari ne veut pas qu'elle fasse. Comme il lui dit par exemple, je veux pas que tu ailles chez la voisine, cette voisine X, je veux pas que tu ailles chez elle. Et par exemple, elle y va. Celle-là, elle a désobéi à son mari. Elle a désobéi à son mari. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, elle lui a désobéi. Hein? Car Allah ta'ala a demandé à la femme qu'elle suive son mari tant que il ne lui montre pas quelque chose qui est haram. Il ne lui dit pas, fais le haram. Fais le haram. Là, elle ne doit pas lui obéir. Non. Elle ne lui obéit pas, quitte à divorcer. Non. Mais obéir à Allah, c'est avant ton obéissance à toi. Non, j'obéis d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'ata dit makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance pour une créature pour désobéir au créateur. Donc, cela dépend de la question qu'est-ce que ça veut dire pour certaines raisons valables. Si, yani, elle fait des choses et yani, c'est plus fort qu'elle. Ou là, je ne sais pas, il lui demande des choses, elle est malade. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Elle peut être plus ou moins excusée. Mais si elle n'a pas de raison, elle n'a pas de raison. Et, yani, bon, maintenant elle a dit, il n'est pas satisfait d'elle. Maintenant, si elle a fait son mari demande est-ce que Allah Ta'ala yani aime et il n'est pas satisfait, ça Allah Ta'ala, elle va aller au paradis. Pourquoi? Parce que si lui, il est très, comment dirais-je, très intransigeant, il demande beaucoup de choses qui la dépassent, lui demande des choses qu'elle ne peut pas. Elle est comme ça, par exemple. Il lui demande, par exemple, d'être plus belle qu'elle ne l'est. Elle ne peut pas, j'ai été créé comme ça. Je me maquille, je veux, mais je ne peux pas être plus que ça, par exemple. Il n'est pas satisfait de la règle. Ici, c'est, elle n'a rien à voir avec cette chose. C'est pour ça que il faudrait d'abord que je sache c'est quoi exactement. Wallahu ta'ala alam. Non. طيب خمسة ست مينوت يغير ست مينوت إن شاء الله وقال لي يا بوكس كده ماضي كل الصدفين بسم الله تنسلي Il n'y a rien qui dit, ni dans la Sunna, ni dans le Coran, qu'il y a une porte pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit que il y a un rang, il y a un paradis. Nam, voici là. Ce paradis n'y rentrera qu'une personne, et le prophète sallam a dit, faites-moi des doigts pour que ça soit moi. Et Inch'Allah ta'ala, ce sera lui. C'est pour ça que quand le adhan termine, qu'est-ce qu'on dit? Qu'on dit le adhan. Il termine par la ilaha illallah. On dit la ilaha illallah. Ensuite, on fait la salat sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Par exemple. Ensuite, on dit Allahumma rabba hadhihi da'wa, da'wati ta'ima. Allahumma rabba hadhihi da'wati ta'ima. Wa salat al-qa'ima. Ati Muhammadan al-wasila. Wal-fadila. Ba'ath wa maqam al-mahmoud alladhi wa'ath. Al-wasila. Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala al-wasila, qui est un rang seulement, yani une place dans un paradis où il ne sera qu'une seule personne et ce sera Inch'Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on lui fait un doigt après chaque adhan. Non. Et il a dit quiconque me fait ce doigt, je lui fais l'intercession demain. Non. Hadith lahu shafa'ati. Quiconque, après le adhan, me fait le doigt et demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Me demande de me donner ce rang et ce paradis, je lui ferai l'intercession demain quand il mourra. Alhamdulillah. Tayyib. Une sœur demande si Allah accepte le repentir d'une personne qui a tué une vie, avortement. Elle s'est repentie par la suite, par la clôture. Une sœur demande si Allah Ta'ala demande. Non, Allah Ta'ala accepte plus que cela. Et plus que cela, c'est quoi? C'est le shirk. Subhanallah. Que tu sois chrétien, tu as la croix qui, sur ton cou. Qui veut dire que Allah n'est pas seul. On a trois. Allah, son fils, et Jésus. Et si tu fais le repentir, il accepte. Naam. Tout repentir de tout péché qui est sincère et remplit les conditions est accepté par Allah Azza wa Jalla. Maintenant, si la faute qu'on a faite a un rapport avec une autre personne, on doit demander le pardon à l'autre personne et lui rendre la chose qu'on a pris d'elle. Si on l'a volée, on lui rend son argent. Si on lui a pris une chaîne d'or, quand on fait le repentir, on lui rend sa chaîne d'or pour faire le repentir. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Les six dernières minutes, Inch'Allah. 54, 54. السلام عليكم. الله يشافيك يا شيخ، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. Quel est le sort d'une femme divorcée qui n'arrive pas à se marier? J'ai pas compris la question. Quel est le sort au paradis d'une femme divorcée qui n'arrive pas à se marier? Une femme divorcée sera au paradis avec un homme que Allah Ta'ala lui dira de choisir. Non, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui sera son mari. Non, le prophète alayhi wa sallam a dit, premièrement il a dit, au paradis il n'y a pas de célibat. La aziba fi jannah. Hadith authentique dans Sahih al-Jama' du Sheikh al-Albani. Il n'y a pas de célibataire dans le paradis, ni homme ni femme. Non. À quoi ça sert d'être au paradis de ne pas avoir une femme ou là l'homme n'a pas l'homme? La femme n'a pas l'homme. C'est-à-dire, ils ne sont pas complets. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, la femme sera acquise à son dernier mari. La femme sera acquise à son dernier mari. Ça veut dire, si une femme qui était mariée, son mari meurt, si elle veut qu'elle soit avec lui au paradis, il ne faut pas qu'elle se remarie. Si elle se remarie, elle a perdu le premier mari. Non, il ne faut pas qu'elle se remarie si elle veut être avec le premier mari au paradis. Non. Maintenant, si elle s'est remariée, elle sera avec le deuxième au paradis, sauf bien sûr, comme dans ce cas, sauf si elle a été divorcée. Quand elle est divorcée, elle n'a plus de relation avec le mari qui l'a divorcée. Elle ne peut pas être avec lui au paradis. Donc Allah Ta'ala lui fera choisir entre un homme, je ne sais pas qui exactement, ou bien, comme j'ai dit, quelqu'un qui a été créé spécialement au paradis, comme les Hurlain ont été créés spécialement pour les hommes. Toi aussi des hommes créés spécialement pour les femmes. Al-Muhim, conclusion, elle aura un homme. Voilà la conclusion. Elle aura un homme au paradis. Naam, elle aura un homme. Il n'y a pas de célibat dans le paradis. Et qu'il soit maintenant X ou Y, quand on est dans le paradis, on ne va pas penser à ces choses-là. On est tellement heureux, tellement que n'importe quel homme que Allah Ta'ala va donner sentira la plus heureuse de l'Ibn Azzawaj. Naam. Inch'Allah Ta'ala, il reste 3 minutes. On n'a plus de questions. Taïb. Peut-être la dernière question, Inch'Allah, on va la donner à Umm Majid qui a levé sa main. Et on va terminer avec elle, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Pose, Inch'Allah, ta question, Umm Majid. Car sinon, tout le monde va lever sa main et va dire, moi aussi je vais poser ma question. Moi, c'était juste parce qu'il y avait 2 minutes pour les terminer bi-idhnillah azza wa jal. Naam. Et, bon, demain c'est quoi, lundi? Mardi, mercredi. Naam. On m'a dit, j'attends ta question. Naam. Salafia, comme tu as dit, ah, je suis comme ça, je sais pas pourquoi. La yahdini. Non. Oui. Oum Majid n'a pas pu poser sa question. Ensuite, je suis très désolé pour tous ceux et celles qui m'ont écrit dans ma boîte postale auxquelles je n'ai pas répondu. Tellement, yani, il y a des lettres et tellement je n'ai pas de temps. Non. Oui. Abou Halima, tu peux poser ta question très vite, Inch'Allah. Puisqu'on m'a dit de ne pas poser. On va voir combien il va prendre de temps. C'est nous qui nous sommes de vous retenir. طيب puisque j'ai enlevé le point on m'a dit elle m'a pas posé la question ni Abu Halima 79 et puisqu'il est 2 puisqu'il est 2 heures du matin je vous laisse inshallah ta'ala fi hifdhillah wa fi aman nam salam alaykoum j'ai une soeur qui est atteinte de polynéphrite dégénérative pour le moment elle vit avec ses parents et un jour elle sera sous ma responsabilité est-ce que je dois faire la hijra avec elle de toute façon, je n'ai pas compris c'est quoi cette maladie. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la guérir. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la guérir et de guérir tous les croyants. Pour le moment, sachant qu'il y en a des soins, pas forcément. Non. Tu as terminé la question écrit numéro 1. C'est fini. Oui. Une seconde sur la table. Une seconde. Une seconde sur la table. Oui. Je disais. Sachant qu'elle fait des soins 3 fois par semaine, c'est dans mon très réduit, elle avance quasiment plus, elle est très attardée. J'ai fini. Ahnam, si tu sais que cette maladie n'a pas de soins ailleurs, et que tu restes avec elle, dans le but de la soigner, et que dès que Inch'Allah Ta'ala, il y a la guérison, tu as l'intention dans le cœur de partir. Inch'Allah Ta'ala, tu es excusé. Avec ces deux conditions. Tu sais qu'il n'y a pas ailleurs, dans le pays où tu vas faire la hijra, il n'y a pas de soins pour cette maladie. Et, tout en restant dans l'autre pays pour la soigner, tu as dans le cœur que, Inch'Allah Ta'ala, dès qu'elle guérit, tu fais la hijra. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, tu es excusé. Wallahu Azza wa Jal, a'lam wa ahkam. Je vous laisse faire hifdhillah wa ri'ayatih. Je vous rencontrerai, Inch'Allah Ta'ala, mercredi bi'idhna ta'ala dans la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.